Donc bonsoir et petite pelle a quelque chose à vous dire. Nous excusons du retard. Voilà. Et donc. Parce que 3 semaines et 5 minutes de retard, il fallait quand même le dire. Non, mais oui. Mais je m'excusais pour les 3 semaines. Donc bienvenue pour le numéro 34 du podcast du collectionneur. Et effectivement, c'est la première de l'année du coup. Mais oui. Bah, pas bonne année. Bah si, bonne année. Bah si, mais le 25, on peut oui, encore le dire. Mais, bonne année, meilleurs vœux qui vous arrivent. Et bonne santé. En gros, je vous souhaite d'arriver à l'année prochaine. Voilà. C'est bien ça. C'est beau. C'est positif. Moi, je pars chez moi, on dit j'espère qu'elle sera meilleure que celle d'avant. Ça va être compliqué. Bah voilà. Mais bonne année quand même. Mais oui, voyons. Bonne année. Donc ce soir, on va aborder deux sujets. On va d'abord parler de papoter autour de nos attentes en tant que gamer, collectionneur, que sais-je cette année. Et ensuite, on va évoquer les jeux électroniques à cristaux liquides en noir et blanc. Pour pas dire Game & Watch, parce qu'il n'y a pas que des Game & Watch. Hein. Et un peu en couleur aussi. Voilà. Et ce, avec un peu quelques couleurs. Mais avant, pour bien commencer l'année, les news. Parce que c'est important des news. Les news. Et pour bien commencer l'année, donc un décès. Donc. Mousse Diouf est mort. Bob Wakelin, je sais pas comment ça s'appelle. Moi je dirais Wakelin. Hein. Wakelin. Ah oui, comme Wake Me. Pardon. Donc Bob Wakelin est décédé. C'était un illustrateur de jaquettes dans les années 80. Donc, Pell, qu'est-ce qu'il a fait comme jaquettes qui nous ont marqué? Alors, ça va vraiment parler, donc, comme tu le dis, années 80, donc au plus vieux. Alors, Grisor, hein, Probotector, Rastan, Ninja Gaiden. Ouais, c'était lui, ouais. New Zealand Story, j'aimais beaucoup ce jeu-là. Ce sont des jeux qui ont été portés sur beaucoup de machines, hein, de toute façon. Mais pour beaucoup, ils gardaient le même type de jaquette. Et surtout Adventure Island, j'aimais beaucoup le jeu. C'était, donc, c'était un dessinateur de comics à la base, ce monsieur. Alors à la base, il travaillait chez Marvel, ouais, effectivement, au Royaume-Uni. Et donc c'est pour ça que le dessin gardait quand même une architecture très. Mais la réalisation des personnages était incroyablement bien maîtrisée, quoi. Le mec, il touchait, quoi. Alors, tu sais, on peut pas dire ça pour toutes les jaquettes de l'époque, hein. Il y en a certaines qui étaient vraiment vilaines, mais lui, il était vraiment très bon. Mais vraiment très bon. Donc, voilà. Donc, RIP, Bob. RIP. Voilà. Il me semble aussi, si j'avais bien lu il y a quelques jours, qu'apparemment, il travaillait aussi en sous-main pour Océan. Donc, tous les jeux dont les licences étaient rachetées par Océan pourraient être adaptés sur ordi 8 et 16 bits. Ah oui? Voilà. Ben ouais, en fait, si tu regardes bien New Zealand Story, il me semble que c'était édité par Océan, Grisor, ouais. Pareil aussi. D'accord. Mais dans tout ça, ouais, mais alors, les jaquettes de ces jeux-là restaient identiques de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais. Avec un dessin. Operation Wolf, hein, c'est lui aussi, beaucoup de gens connaissent. Donc voilà. Le fameux Robocop 3 sur Commodore 64, qui est un jeu avec une intro et une bande-son magnifique, mais dès l'instant que tu joues au jeu. Tu dis super, j'ai attendu 20 minutes pour ça. En même temps, c'est propre à tous les Robocop 3, même le film. Ouais. Oui, voilà. Et c'est surtout une époque quand même où justement, mais... on bossait dans les jaquettes. Là, où la jaquette avait énormément d'importance. Il n'y avait pas énormément de presse. Oui, on choisissait les jeux. Ouais. On va encore faire les vieux et répéter les mêmes choses. Mais à l'époque, pour choisir un jeu, à part voir un test dans un magazine et regarder c'est la ça. Jaquette. Mais ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Il y avait un truc aussi, il y avait le prix. Oui, c'est vrai. Mine de rien. La jaquette, c'était ça qui donnait envie, oui, c'est vrai. Bah, donc, voilà. Si tu prenais les jeux à 99 francs au Master System, si tu te fiais à la jaquette, jamais tu les achetais. C'est peut-être pour ça qu'elle marchait pas très bien dans certains pays non plus. Hein, quand tu vois le machin. Bon, ça y est, ça commence à durer mal à la Master System. Mais non, mais j'aime la Master System d'amour, tu le sais très bien. Mais avoue que certaines jaquettes étaient. Ah ouais, c'était bien. Hideuses. Ouais. Moi, je l'ai mauvaise qu'ils aient fait travailler des enfants pour faire des jaquettes à l'époque. Voilà. Ou des aveugles. Donc d'une manière, sans être, tu vois, développeur, graphiste de jeux vidéo, dans la réalisation du jeu en lui-même, et bien, il fait partie quand même de l'univers jeux vidéo, et puis il aura marqué à sa façon. Ah, il nous aura fait rêver, effectivement. Mais oui, je trouve que c'est important. Enfin, moi, je le trouve. Voilà. Bah, au même titre qu'un Amano, par exemple, pour FF. Bah, Amano, lui, c'était quand même le design pour le jeu en lui-même. Amano, il aura une reconnaissance quand il mourra, parce qu'effectivement, ouais, il a marqué les gens. Et puis, au-delà du jeu vidéo, il est écrivain. Il fait des tableaux, oui, c'est un fait artiste. De l'animation. Mais Bob Le Queen, il marquait pas son empreinte du jeu vidéo qu'il illustrait, hein, du tout. Hein. C'était juste pour la jaquette, quoi. Ouais, il, mais c'est lui, ça. Le jeu était fini. Il est beaucoup moins connu. Donc c'est bien qu'on lui rend hommage aussi. C'est très très bien qu'on en parle. Voilà. Par exemple, tu vois, sur Contra, les bonhommes qu'il dessinait sur sa jaquette. Après, sur Super NES, notamment, sur NES pas trop, mais sur Super NES, les sprites, ils y ressemblaient vachement beaucoup, hein. Oui, à mon avis, il avait le matériau de base, le jeu vidéo, et on lui dit, tu nous illustres ça, quoi. Et c'est là qu'il partait dans son interprétation. Et c'était souvent, c'est joli. C'était vraiment... C'est pas compliqué, c'était une époque où tu dessinais la jaquette, le jeu était non seulement pas fini, et surtout les développeurs ne voulaient pas en partager beaucoup. Après, c'était à toi d'imaginer le truc, c'était pareil aussi sur l'époque Atari. Tu avais des fois des pochettes qui étaient plus belles que le jeu en lui-même. Plus intéressant à regarder. Oui, c'est vrai. C'était pas compliqué de faire une jaquette plus belle qu'un jeu Atari. Ouais, attention. Non, alors. Ouh, c'est pas bien. Ouh. Attention, moi, pour petite pelle le jeu, normalement, moi, c'était une culotte avec juste marqué petite pelle le jeu. Ouais. C'est vrai. Non, mais je veux dire, le jeu Atari, les jaquettes étaient superbes. Car oui, il existe un jeu petite pelle, mais pour l'instant, Florent Gorge a refusé de le commercialiser. Heureusement. On ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà quoi. Bon, après donc ces nouvelles réjouissantes. Donc bon vent monsieur et merci. Chou, on avait deux petites nouvelles concernant le Commodore, une de tes machines de prédilection. Pas vraiment, c'est juste que. Qui n'est pas une de tes machines de prédilection. Si je m'y étais pas en 2017, je t'avoue, mal de choses que je serais passé à côté. Donc apparemment il y a deux nouveaux jeux, à savoir Organisme et Legend of Atlantis. L'Organisme apparemment c'est... Ah oui, Organisme, j'avais mal lu. Oui, mais tu sais quoi, t'étais pas le seul. Mais non, mais si. Mon negro dégueulasse. Donc voilà, apparemment Organisme ce serait un jeu simulation spatiale avec des phases de puzzle game dans ce que j'ai vu dans le trailer. Par contre, pour Legend of Atlantis, ça a l'air d'être un jeu action plateforme qui a l'air vachement inspiré d'Indiana Jones dans ce que je vois dans le trailer. Ouais. Atlantis n'a pas l'air dégueu. Organisme, je suis un peu plus réservé apparemment. C'est par le même créateur. Les deux sont... Les deux sont terminés à 99,9%. Donc... D'accord. La phase du... Il y a encore la phase du faut le tester dans il reste une bactérie, c'est le Commodore et vérifier s'il n'y a pas des petits bugs qui traînent par-ci par-là. Pour ceux qui sont intéressés, ça se trouve facilement sur le net. Sinon, il y a The Commodore Story, qui était un documentaire qui a été financé avec succès sur Kickstarter. On peut commander une version. Attendez, hop, voilà, j'ai fermé la page bien sûr au moment. On peut précommander déjà le documentaire sur Kickstarter. Il y a différents packs, ou si vous voulez le truc juste en version digitale, si vous voulez en Blu-ray, tout machin. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vous dirais à la limite, au lieu de mettre 25 livres, parce qu'apparemment c'est en livre, là-dedans, vous ne faites pas chier, achetez le livre The Commodore Years, vous pouvez le trouver sur Amazon pour une trentaine d'euros. Vous en aurez pour, à mon avis, plus longtemps que sur le documentaire. Initiative et c'est intéressante quand même. Voilà. Ok. Une petite news qui vient de tomber récemment, dont moi nous a fait part. Il y a eu une petite interview parlée dans un magazine du c'est le producteur, c'est ça, du Secret of Mana. Un truc comme ça, ouais. Un mec à vous placer quoi. Voilà qui parlait de. Donc de l'idée de sortir cet atroce futur remake sur la Nintendo Switch. Et l'air de rien, si on parcourt l'article au milieu de l'interview, il y a une question qui, nous, en tant que rétro gamer, va attirer notre attention. C'est que, bah, sachez que des personnes haut placées chez Square Enix sont au courant que nous, les joueurs, nous aurions envie de voir une version traduite de la compilation Seiken Densetsu sur Switch. Et, oui. Et surtout, voir enfin une traduction en Occident de Seiken Densetsu 3. Et voilà. Donc, ils le savent. Ils vont peut-être pas le faire, mais ils savent. C'est on le veut. C'est important. Voilà. Hein. Parce qu'il faut quand même rappeler que le jeu est absolument fantastique. Alors, il le faut. Oui, et il faut rappeler que beaucoup de gens ont dit, mais plutôt que de claquer des thunes dans ce remake tout pourri, balancez-nous la traduction anglaise de Seiken Densetsu 3. Non, je déconne pas en plus, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça à l'annonce, donc ouais, voilà. Ouais. Ils sont ils ont peut-être... de ceux qui pensaient exactement la même chose. Hein. Ils se sont peut-être dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. Voilà, le jeu qui reste la 2D la plus aboutie, à mon sens, sur Super NES. Donc, j'ai vu. Donc en parcourant l'interview, justement, il disait que le jeu, ils auraient jamais pu le sortir en anglais sur Super NES parce que le script aurait, il rentrait pas dans la cartouche. En japonais, ils étaient déjà ric-rac, donc en anglais, ça rentrait pas dans la cartouche. Il suffit de voir les traductions amateurs pour voir qu'effectivement, c'est un argument plausible. Ouais. Ça fonctionne assez mal. Oui. Donc, s'ils y pensent, c'est déjà pas mal. Ça prouve qu'au moins, le ramdam qui a été fait sur Twitter et en général, au moins, est venu jusqu'à leurs oreilles. Mais j'aimerais beaucoup avoir, effectivement, une trad officielle de Seiken Densetsu 3. Ce sera qu'en anglais, par contre, faut pas rêver. Hein. Oui, si ça se fait, un jour, bien sûr. C'est toujours mieux que la version japonaise. Hein. Mais voilà, ouais, parce que l'anglais, je le comprends. Alors que le japonais, c'est du coréen, hein, pour moi. Non mais faut que j'arrête, en plus je la fais beaucoup trop, cette blague elle est nulle, et puis au bout d'un moment les gens ils vont se rendre compte que... Qu'elle est nulle. Non qu'elle est nulle, ça ils le sentent depuis un moment, c'est mais que je la fais tout le temps. Voilà. Donc il est temps que je fasse... Peut-être premier... pas, j'ai une petite news. Non, mais continue sans les news. Ah, bah d'accord. Moi aussi, je croyais que tu étais subrepticement allé vers le sujet. Du tout. Je voulais dire qu'il est temps de faire mon premier point de l'année sur, sur les gens qui attendent l'histoire de Capcom chez Pixel Love. Encore. Juste que j'aimerais vous dire qu'ils ont reçu leur livre et qu'ils sont tous heureux. Apparemment, ils ont eu un problème à l'impression et personne n'a encore reçu le livre. Voilà, c'est tout. ça se compte en combien d'années, là? Je sais pas, on va bientôt arriver à 2 ans, c'est une espèce de running gag infini. Est-ce qu'ils ont fait comme Mighty No. 9, ils ont imprimé la notice en niveau de bleu? Toutes les pages sont bleues, c'est pour ça qu'il faut qu'ils refassent le livre. Ce qui est sûr, c'est que le livre existe dans la mesure où, lors du dernier event avec Capcom en date sur la JVTV, ils en ont offert 2 exemplaires. Donc le livre existe. Oh, mais bon, là pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu plus, les amis. Soyez sympas, s'il vous plaît, c'est pas évident. C'est une petite boîte avec des petits moyens. Et donc, vas-y, tu disais que tu avais encore une news. Pardon. Oui, tout le monde en a une news. Oui, Retrobit envisage. Quoi ? Retrobit, une boîte qui s'occupe de faire des rééditions d'anciens jeux. Super Nintendo. Elle est bon public. J'ai rien entendu d'ailleurs, je ne fais pas mes pattes. Ça promet. Et en 2018, ils envisagent de réunir R-Type 1 et R-Type 3 de Super Nintendo dans une seule et unique cartouche. D'accord. Une cartouche SNES, hein, on est d'accord. Une cartouche SNES, ouais, totalement. Ouais. Parce qu'ils ont racheté les droits à IRM, comme ils font d'ailleurs avec beaucoup de vieilles boîtes qui veulent capitaliser sur leur licence, ils rachètent tout. Et là, ils vont mettre les deux jeux dans un petit coffret collector. C'est les malfaisants qui font déjà la compile Data East. Oui. Ah oui, ils ont racheté absolument tous les droits des vieilles, de toutes les boîtes qui font plus rien, et ils rééditent tous les jeux. Et là, ça va être... Ils font aussi la pile Jaleco et Joe & Mac Ultimate Carman Collection. Voilà. Totalement. Ils ont fait ça pour tout. Et là, ils veulent le faire avec R-Type Reader. On connaît assez bien Super R-Type sur Super Nintendo, qui a été distribué à assez grande échelle. On connaît moins, par contre, R-Type 3, qui est bien plus difficile à trouver en version PAL. Je savais même pas qu'il existait, moi. Et pourtant, bien meilleur et bien plus réputé. Oui, faut pas, en fait, si tu veux vraiment prendre ça, faut pas prendre pour R-Type 1, c'est surtout pour R-Type 3, mais c'est comme d'habitude. C'est portage. Comment il va être fait? Voilà. Bon. C'est surtout ça, quoi. Après, ils ont quand même, il y a une édition collector limitée à 1000 exemplaires. Elle est stylée, hein. C'est super stylé. 1000 exemplaires, arrive. 1000 exemplaires. La boîte est ultra stylée, hein. Et là, même la cartouche. Bah, je peux mettre le lien. Je l'ai mis normalement. Non. Ok. Ouais, et ils veulent aussi faire une sortie de Holy Diver, un jeu de. Ah. Ça, par contre, ça pourrait être intéressant. Ouais, hein. Jeu qui a été commenté par Dio lors de la dernière. Ah ouais, non, mais là, mais on en a fait exprès. Ah, c'était beau. Bah, oui. Dans une cartouche nette qui est toute belle avec un joli petit collecteur. Par contre, en termes de prix, ben, il y a pas. 250 000 euros. Mais je pense qu'effectivement, ça va valoir. Ça va valoir cher. Mais bon, donc vous allez pouvoir encore faire fonctionner votre Super NES et votre NES. Okay. Bon, quelqu'un a encore une news ou... Ah, il y a NES Maker, bon, je sais. Ah, le NES Maker, vas-y. Ah merde, je l'ai pas préparé. Bah, si, si, si. Du coup, NES Maker, c'est donc un logiciel, donc ça a été pareil financé sur Kickstarter, mais financé à 4 fois ce qui était attendu. Donc un logiciel qui permet de créer des jeux pour la NES sans avoir de compétences en programmation quelconque. Donc voilà, vous avez une GUI, une interface graphique si vous préférez, et voilà. Ça a l'air plutôt sympa, je dois avouer. Après, faut voir ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. J'ai connu ce Kickstarter il y a une semaine. Je sais qui m'en avait parlé. Mmh. Et sur Discord, c'est Capsilver qui nous en a reparlé. Et j'avais mis ça justement dans mes favoris pour plus tard. Donc j'essaie de regarder un peu vite fait. Ouais, effectivement. Il faudrait regarder le trailer pour voir un peu plus d'idées. Je crois que Pat, le NES Punk, en a parlé récemment dans une vidéo. Enfin voilà. Donc apparemment, c'est soutenu, c'est financé. Et voilà, la date limite, c'était le 12 février, donc c'est déjà financé à hauteur de 4 fois ce qui était attendu, et vous pouvez encore, si vous voulez, voilà, il reste 17 jours. C'est bien, c'est... Okay. Pour un projet comme ça, c'est bien. Bah, apparemment, ça te permet de faire des jeux que tu pourrais, en fait, voilà, si tu as après accès à un bidule pour graver des épreuves, oui. Ça pourrait éventuellement, voilà... Ouais, ou dans un Everdrive. Ouais, tout simplement. Voilà. Voilà. Merci, moi, c'est exactement ce que je cherchais. Ouais, si tu peux faire un jeu La Petite Pelle. Ah, bah voilà. Ouais. Ah, ouais. Si voilà. Là, ça serait très bien. Ça serait beau. Je fais un portage du jeu Atari, mais oui. J'attends ça avec impatience. Ouais. Je croyais pas que t'allais le dire. On aura un portage remake, un vrai. Et pas un vrai remake. Ah, là, là. Non, un vrai remake. Je garde les mêmes sprites. Oh. Bah quoi ? Non, ça suffit. C'est un portage, monsieur. Ouais, non. On attend le remake avec un pardon. Mais... Parlant de La Petite Pelle, oui. Petit moment promo. C'est vrai. Voilà. Encore. Donc, ta compilation de planches guerre épée est sortie. Ça y est. Glaire épée. Non, mais dis bien le nom. Après, les gens vont t'attaquer Glaire épée. Mais... D'ailleurs, les gens vont essayer d'aller voir une certaine VOD sur Twitch où Monsieur Pelle apparaît. Tu fus été à l'honneur sur la JVTV le temps d'une mm-hmm. émission. Où, oui. Vous... Apparemment stressé, inquiet. Mais... Et bourré. Non. Ah, mais avec sa moustache soyeuse. Je pense pas qu'ils avaient ça dans les bureaux. Jamais. Fort dommage. Et également, je tiens à préciser que, super instant promo, le retour, tu seras peut-être en dédicace dans ton espace culturel près de chez toi, de Lisieux. Ah, ça mais c'est pas peut-être, c'est le 10 février de 10h. Ah. Et... Ah. Donc j'en appelle au stalker de Monsieur Pelle, allez-y. Et si jamais des gens du pays de la chocolatine nous écoutent, il se peut qu'il soit aussi le... samedi 17 février à l'espace culturel de Mont-de-Marsan pour biffer et discuter. Ah. Intéressant ça. Mais en fait, on va essayer de le booker aux quatre coins de la France pour le ramener près chez nous. C'est exactement ça. Pour pas lui choper avec. En fait. Partout où on veut, on va essayer de l'attraper et de le mettre dans un coin. Allez. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est Bozy qui a dit de le mettre dans un coin, moi j'ai rien dit. Non, mais dans un vrai coin. Par contre, je vais rebondir sur ce que nous a dit Fury. Il y a des sticks analogiques dispo chez VGP pour la N64. Ok, regardez. Il nous a mis le lien dans le chat. Ah oui, bah c'est les mêmes en fait que... Ah non, je pensais que c'était les mêmes que les sticks GameCube apparemment. Non, c'est pas les mêmes. Et bonsoir, monsieur Couteau Aztec. Faudra voir ce qu'ils valent parce que là j'ai pas de retour ni rien, mais si c'est le problème des sticks GameCube, on pouvait remplacer les sticks de la Nintendo 64 par les sticks de la manette GameCube, mais ça posait quelques petits soucis sur certains jeux, genre sur Ocarina of Time, quand tu mettais le stick en position avancée tout droit, bah ton perso il allait pas tout droit par exemple. Il y avait quelques petits soucis de calibration. Ouais, mais du coup, si ceux-là, ils les ont pas, ça peut être cool, hein, parce qu'ils sont pas très très chers. Pas particulièrement cher, hein, tu peux t'acheter, tu peux peut-être presque trouver une manette à ce prix-là. Ouais, mais après, c'est comme d'habitude, va trouver une manette de N64 avec un joystick qui est en train de... Ouais. C'est très difficile maintenant. Ouais. Donc, merci Fury. VGP, c'est Video Game Perfection. Hein, pour. Video Game Perfection. Mm. Perfection. Et donc, sur le coup... Moi j'ai des news, s'il y en a... Quoi donc ? Moi j'ai des news. Vite fait, la première... analogue, ceux qui font donc la Super NT, donc la Super NES FPGA dont on a parlé. Ils ont vite fait teaser un truc, on sait pas ce que ça va être, mais ils ont dit qu'ils commercialiseraient sans doute un convertisseur HDMI... sortie numérique vers analogique, donc en gros HDMI vers RGB, pour si on veut brancher notre console sur une télé cathodique. Voilà. Donc, c'est toujours une petite option sympa. Moi j'aime bien ce genre de conneries, donc je verrai si c'est pas trop cher. Et... C'est analogue. Ah, c'est analogue, merci Mazdik. Tu les connais suffisamment pour savoir. Leur Super NT, ça va. Oui, mais ça reste quand même cher pour le Pékin moyen. Pour être honnête. Bien sûr. Parce que moi aussi, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai pris coup la console et dès que je l'aurai, j'en ferai un test. Hein, donc, voilà. Ouais, de toute façon, moi, je compte l'acheter quand j'aurai un peu de thunes, mais effectivement, la console m'intéresse aussi. Mais quand tu vois le coup. Donc, tu veux dire par là que tu as acheté la One X pour sortir de la 4K pour la convertir en Péritel pour jouer sur ta MX7000. Alors, ce serait un truc. Alors, là où. Ce serait un truc que pour la Super NT en fait. Ce que vous savez pas, c'est que moi, il compte brancher en fait la One X sur un écran d'Amstrad monochrome noir et vert. Voilà. Non, parce que le concept est terrible quand même. Ou même sur une Vectrex, rien à foutre moi. Je vectorise la sortie de l'image, rien à foutre. T'imagines un peu que Ped en fait sur le moniteur de l'Amstrad. C'est une expérience unique. Ah ouais. Et après, tu le fais plus jamais. Ah ouais, voilà. C'est unique, genre c'est fini. C'est après, t'arrêtes. Enfin voilà, c'était le petit côté sympa parce que ce qu'on sait pas, c'est si ça va sortir, si la console après elle serait capable de sortir du 240p classique, ce qui permettrait après de bricoler plein de trucs. Enfin bref, ça pourrait être rigolo, mais bon, on verra. Mais faut voir le prix aussi. Deuxième news, et ça c'est super cool. Professeur Abrasive, le monsieur qui sortait je crois que son truc s'appelle le Satiator, mais je dis peut-être une connerie. Le truc qui permettrait de lire des jeux Saturn sur une Saturn via. Sur une carte SD. Carte SD ou peut-être clé USB ou je sais pas encore, voilà. Il a repris le boulot, c'est bon, il est dedans, il cherche un moyen là de. Le bon form factor. Il cherche entre guillemets. Quelles seraient les options intéressantes et se limiter vraiment à l'essentiel, pas faire un truc esbrouf avec plein d'options, tout le monde s'en fout, et le meilleur moyen de commercialiser. Donc il a dit d'ici quelques mois, donc ça veut dire compter, voilà, d'ici la fin 2018, vous aurez votre objet achetable. Ça fait combien de temps qu'on en entend parler que ça fait plus d'un an. Le gars il est sur le projet depuis un moment, mais ça fait vraiment depuis plus d'un an où il commence à dire voilà, mon truc fonctionne. Mais là vraiment il a un truc qui fonctionne, hein. Il sert juste comment le produire en masse en gros. Sachant qu'en plus parmi nous on est tous à peu près des amoureux de la Saturne. Bonne partie. Non, c'est pas, elle est pas bien cette console, il y a trop de jeux japonais. Ça suffit, Marcus, ça suffit. On t'a dit d'arrêter ça. Arrête. Non mais après oui, on aime la Saturne, donc c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Ouais, faudra voir la forme qu'a le projet et tout, mais voilà. Oui, bien sûr. Et le prix aussi, quand même. Ouais, ça, à mon avis. C'est, oui, oui, c'est... Aïe. Il faudra surtout voir dans quelle mesure ça pourrait être intégré dans une salle 103. Voilà, c'est, la... c'est... mais normalement, ça passerait pas pour... Vous savez, là, on pouvait brancher... Le port que personne n'utilise. Ouais, là, on pouvait brancher vidéo, des trucs, là, derrière. Là. Ouais, voilà. À la base, c'était censé se brancher là-dessus, mais ça a peut-être changé depuis. Vous êtes fatigant. Donc, merci, Moa. Tu m'as mis de la joie dans mon cœur, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, est-ce qu'on en a fini avec les news, à votre avis? Je pense. Bah oui, là... Je pense qu'on va, on va commencer à évoquer donc, cette année 2018, mm-hmm. Qui a l'air de commencer sur les chapeaux de roue. Hein. Totalement. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Ah oui. Où, donc on rappelle la stratégie commerciale des grands groupes qui ont tous la même idée en même temps. Il y a quelques années, tout le monde bourrait Noël. Sur le coup, les grands gagnants, c'était Call of et FIFA, et un petit peu Assassin's Creed et Mario. Les autres, ils se faisaient rétamer et tout le monde pleurait. Donc ils se sont dit, oh, on va attendre un petit peu et on va sortir nos jeux au début de l'année. Donc, depuis 2 ans, ils sortent tous leurs jeux en même temps au début de l'année. Et c'est vrai, en plus. Il y a aussi une tradition implicite depuis Street Fighter 4 Vanilla, qui est que les jeux de baston, ça sort entre janvier et mars. À part quelques titres comme ça, voilà, comme KOF et puis Tekken 7, il me semble, ouais, qui est sorti fin août. Et ouais, il y a un peu une tradition comme ça. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Bon, je sais pas. Il y a peut-être une histoire d'année fiscale aussi qui rentre en compte. Certainement. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible aussi. Et donc, qu'est-ce qui sortent? Alors. Hein, donc oui. Parce que donc on commence, avant de parler de nos attentes un petit peu pour le futur cette année, donc oui, rien que cette semaine, on a donc du Dragon Ball FighterZ, parce qu'il faut le dire FighterZ, c'est FighterZ, il faut pas dire FighterZ, il faut dire FighterZ. C'est FighterZ. Il faut faire comme si t'avais avalé une abeille en fait à la fin. Non, voilà. c'est FighterZ comme FighterZ quoi, comme si c'était un S en fait. Et donc, avec, on sait que Arxis a repris le boulot. On a fait un jeu Arxis avec ce que ça comporte de bien et de pas bien, c'est-à-dire quelque chose de superbe, quelque chose d'accessible et technique à la fois, et quelque chose où vous allez payer 2 fois votre jeu si vous voulez tout. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils sont égaux à eux-mêmes et qu'ils se sont bien entendus avec Bandai Namco, qui sont coutumiers du fait. Les deux se sont bien entendus. Comme tout jeu de baston moderne. Et si tu connais quelqu'un qui respecte plus son public dans le domaine des jeux de baston? Les jeux de baston, de toute façon, il fallait toujours passer 3 ou 4 fois la caisse, hein, même sur Super NES. Hein. Ouais, oui, sauf que là, oui, pour, non, parce que pour les voix, les musiques, oui. Les musiques. Ah oui, alors ça, par contre... Ça, par contre, abusé, ouais. Ça, par contre, je voulais coller des patates, quand même. Hein, c'est... Non, juste pour citer un contre-exemple très rapidement, Tekken 7, par exemple, ça n'a pas été du tout la fête au DLC, ni à Europa. Injustice, non? Oui, mais pas des personnages, pas en gros la moitié du casting. La moitié du casting. Là, c'est la moitié du casting. Là, c'est que tu vas devoir acheter. Là, c'est la moitié. C'est la moitié. Oui, mais après, je suis d'accord. Arxis sont coutumiers du fait, mais le fait qu'ils fassent ça avec Bandai Namco, qui eux aussi sont coutumiers du fait, les grands se sont rencontrés. Voilà, les deux se sont très bien entendus pour tirer maximum d'argent de leur jeu. Après, ça ne change pas la qualité du jeu. Hein. Oui, voilà, et c'est là où tu te dis quelque part, il se sera. Comme il se serait aussi bien entendu. Oui, oui, totalement. Après, oui, comme on dit, avoir les musiques du jeu, devoir les acheter, ça me fait mal. Moi qui aime DBZ, t'as un jeu DBZ avec la plastique qu'on a toujours voulu avoir. Ouais. Vraiment, c'est le jeu que depuis qu'on est môme, on attend. Et on te dit, ouais, mais si tu veux complet, les musiques, ben, faut les acheter. Mais après, c'est quand même. Ça, c'est d'un point de vue cosmétique, quand même, hein, c'est vrai, mais bon. Pas pour moi. Pas pour moi, ouais, non, parce mais que je suis d'accord avec toi. Je suis fan de DBZ depuis que je suis, mais j'ai, voilà, quoi. T'as un certain âge. DBZ, ouais, c'est vrai. Je m'ai accompagné, les musiques, je les aime. Je vais racheter les musiques alors que ça devrait être le jeu. Ça m'embête. Après, Arxis a quand même fait un bon boulot au niveau jouabilité, apparemment, pour un jeu suffisamment accessible aux non-habitués, entre guillemets, du baston 2D. Faire en sorte qu'il y ait des vrais combos pour ceux qui dosent les jeux de baston et pour qu'ils puissent s'amuser aussi. Exactement. Non, après, ça reste. Je profite du fait qu'on parle sur Dragon Ball Z Fighters pour rapidement glisser un petit bon plan qui ne va pas durer ad vitam aeternam, mais dans les jours à venir, c'est encore valable. Il y a donc le Ori Real Arcade Pro 4 Kai en solde chez Auchan à 112 euros. Au lieu de combien ? Et le. Un truc comme ça, non ? Voilà, normalement, il était entre 150 et 160 sur l'enseigne. Et chez Micromania, vous avez le TES Plus Mad Catz PS4 toujours en promo à 130 euros au lieu de 200. Ouais, enfin, voilà. Attention quand même, Mad Catz, ils sont plus là. Donc, en cas de problème, ben. Ouais, mais ça reste. Voilà, ça reste après au niveau qualitatif. J'ai pas eu de problème avec le mien, c'est du full sanois. Moi j'ai quand même le bezel qui s'affaisse sans avoir tapé dedans ou sans. Mais c'est le TE2 qu'a toi. C'est le TE2, ah oui. C'est la CET, c'est le TES, TES plus, ils ont pas tout à fait la même conception. Bon, voilà, donc sur le coup c'est juste, il y a deux sticks en promotion si vous voulez. En plus, c'est jamais que les gens qui découvrent les jeux de baston en plus essayer au joystick. C'est le moment de. Après, les Mad Catz ont complètement disparu, puis il n'était pas question de ce qu'ils reviennent quand même récemment. Là. Ils devaient être rachetés. Je comprends, mais je sais que Mad Catz. Enfin bon. Et donc, l'autre grosse sortie oui, donc, de cette semaine, rapidement, c'est Monster Hunter World, comme dit la pub. Mais oui. Et une vraie. Enfin, une surprise. Non, pas une surprise. Il était attendu au tournant. Les premiers retours font état d'un jeu qui apparemment est très très bon. Après, est-ce que c'est vachement pertinent de la part de Capcom de sortir un jeu en frontal avec Dragon Ball Z Fighter? Je sais pas. Si. Je pense que oui, parce que c'est pas le même public. C'est pas le même déjà, public. Et puis clairement, je pense qu'ils se disent aussi, étant donné que beaucoup de gens vont l'acheter, c'est pas comme Injustice qui a un marché un peu plus restreint qu'une licence comme Dragon Ball. Il dit c'est peut-être le moment aussi de faire raquer les gens pour la version arcade édition. Ils auront peut-être plus de blé après. C'est quand même connu que les joueurs de jeux de baston, ils ont pas la main facilement au porte-monnaie, surtout pour des costumes, surtout chez Capcom. C'est vrai qu'SF5 arcade édition vient de sortir aussi. Par contre, lui, sortir frontalement en face de DBZ, lui, ça fait mal. Ah, tu poses quand même la question. Hein. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Surtout un jeu comme Injustice, je ne l'ai pas acheté il y a quelques mois, sachant que Dragon Ball allait sortir. Donc c'était déjà il y a 4 ans. Après, chez Capcom, on peut les critiquer sur certains points. Je pense qu'ils doivent savoir quand même un petit peu ce qu'ils font. Bah, j'espère pour eux, parce que DBFighterZ, ils l'ont bien marketé. Et puis, la fanbase de DBZ, elle est assez. Après, bon, on peut aimer ou pas un jeu comme Street Fighter V, mais bon, c'est pas pour autant que faut cracher à la gueule de ceux qui aiment le jeu. Hein. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est compliqué de sortir l'arcade édition alors qu'ils avaient promis qu'ils n'en sortiraient pas en face de DB. Ah oui, c'est surtout le fait qu'ils ont menti de base en disant Street Fighter V, sur le machin en disant il y a tout dedans, et puis finalement, là, encore aujourd'hui, ils ont annoncé des DLC. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Voilà, d'un côté, on a Capcom avec donc, le système de saison de Street Fighter V qui avait promis qu'il n'y aurait pas d'arcade édition et qui nous le sortent. En face, on a un DB Dragon Ball avec la moitié du casting en DLC avec un Season Pass. Et là on espère sincèrement qu'ils vont sortir une édition complète. Ouais. Parce que là, pour le coup, moi, j'espère vraiment qu'ils sortiront une édition complète. Bah, c'est la Ultimate, hein, à 115 euros. Et les deux autres. Ouais, celle avec le Season Pass intégré. Non, mais ça veut dire une version GOTY. L'autre concurrent dont on a à peine commencé à parler, mais qui n'est pas prêt, apparemment, c'est Soul Cal. Il y a Soul Calibur qui reviendrait cette année. Oui. Alors lui, il est attendu parce qu'il a toujours gardé son droit de jeu. Il est vraiment apprécié. Quoi. Même si les derniers épisodes étaient moins bons, il y a quand même une fanbase qui reste assez fidèle. Et puis là, comme franchement, là les jeux, enfin le jeu vidéo japonais, ça va, ils pètent la forme, hein, ils peuvent revenir avec un super Soul Calibur. Hein, enfin, j'ai l'impression. Oui, ils pètent la forme, mais c'est pas fini. Il y a une année, là, qui va arriver, qui va être bien pour eux. Non, moi j'y crois encore au Soul Calibur, hein, un bon truc quoi. Tekken 7 est super bon, il paraît. Quoi. Enfin, voilà. Oui, il est très bien le jeu. Ouais. Les gens sont satisfaits du jeu, il s'est quand même rendu. Après, je pense pas que c'est le même public aussi, hein. Street Fighter, Tekken, Soul Calibur. Ah bah, clairement. Ouais. Clairement. Mais pour DB Fighter Z, oui. Mmh. Oui, il est sorti, les gens sont contents. Enfin, Fury, Soul Calibur 5, avec des effets de lumière illisibles. Regarde Marvel vs Capcom 3. Putain, j'ai eu du mal à rentrer dans le jeu, je comprenais rien. Et même maintenant, le dernier Marvel, là, Infinite. Le 5, je m'en rappelle même pas pour te dire, j'ai très très peu joué. Moi, le 4 m'avait tellement blasé que j'ai arrêté de. Après, j'ai vraiment arrêté. Moi, c'est au 3, je crois que j'ai arrêté. Le 4 m'avait vraiment pas plu. Quoique, dans le 4, je l'ai, effectivement. Donc, après, tu parlais de Monster Hunter, bien. Oui, je voulais au-delà, parce que là, c'est des jeux qui sortent demain. Je pense qu'on n'est pas dans ce qu'on attend, ils arrivent. On va jouer, on verra bien. Je voulais parler juste rapidement, mais justement pour faire balance de notre système, puisqu'il a été annoncé que ce jeu-là dont je vais parler n'aurait aucun DLC. Mm-hmm. Sony nous a teasé cette semaine God of War, encore, avec une date de sortie. Mm-hmm. Et voilà. Cassez les gueules. Je n'ai regardé aucune vidéo. Cassez des gueules. Alors moi, je suis très content de ça. Ouais, je suis très content de cette année 2018 parce que je vais couper l'herbe au pied de bien, je m'en fous. On va avoir deux visions très différentes du beat'em all 3D. Avec God of War, où ça va être le déferlement de fureur, enfin ça va être découpage de gueule, et à mon avis, les grosses séquences ultra épiques et tout, et le côté, comme tu dis, Bosdick. Bayonetta 3, où là ça va être plus le tout dans le style, le truc ultra nerveux. Enfin, j'espère. T'en oublies un troisième qui va mêler les deux. J'ai envie de dire surtout Bayonetta 3, la diversité de gameplay et la précision plus que God of War. Voilà. Jeu récréatif. Exactement. Mais alors attention, par contre. Il y en a un troisième qui va sortir. Vas-y. Travis. No More Heroes. Oui. Il est prévu pour cette année. Mélange de sang. Il est prévu pour cette année, celui-là. Bah, ils le disent pour 2018. Ouais. J'ai tellement peu de foi en toi que j'ai cru que t'allais dire Yakuza 6. Non, mais Yakuza 6, plus tard. Voilà, plus tard. Mais les gens qui me connaissent savent à quel point j'attends. Mais plus tard, pas maintenant. On parle de Zemo, même s'il y a des grosses composantes, je suis d'accord. Mais voilà, mais tout... Oui, oui, mais non. Travis, ouais. 2018, normalement. D'accord. Mais moi, je suis sûr que Moa, tu voulais en venir, que t'aimais autant l'un que l'autre. Ah, mais totalement. Tu vois, ouais. Mais en plus, le truc, c'est qu'en plus, God of War, ça fait très longtemps. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas un qui est sorti. Oui. Donc, je l'attends énormément. Ils ont l'air d'avoir, le dernier, c'était lequel ? C'était Ascension, le dernier. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je sais même pas si je l'ai fait, celui-là. Mais... Je l'ai pas fait. Je l'ai en plus, en vrai. God of War Ascension a été un peu oublié, il était un peu facile, il apportait rien de fantastique à la série, il se finissait rapidement en 7-8 heures. Il est pas mauvais, mais il apporte rien, quoi. C'était un peu... Fury, tu es mauvais, c'est le rongeur. C'est pas vrai. Mais alors... Que... Le Joy-Con, ça va être génial. Mais ça va être jouable, mais moi j'ai une manette pro, donc je m'en fous. Mais le God of War... Ils ont l'air d'avoir apporté quand même du changement un peu dans le gameplay. Rien que la caméra qui est placée différemment, ça va changer au point de vue de la gestion des combats, je pense. Et surtout, je trouve de plus d'humanité au personnage, rien qu'avec la relation avec l'enfant, ça change. Ah, la relation avec Nulcon, ça va être cool. Hein. Mais moi, je vais dire un gros mot encore. Hein. Mais je sens la Dark Soulisation venir. Oh. Encore, mais arrêtez. Oh, putain. Parce que, ce que je veux dire par là... Attendez, je le banne. Attendez deux secondes. Je sens que God of War 3... avec son gameplay à la hache et sa caméra comme elle est placée, on va se retrouver à frapper avec les boutons L et R, à esquiver non. sur le côté. Ils peuvent redéfinir. Non, parce que tu vois, la caméra, elle est placée sur le côté, ça évoque plus une caméra façon Batman, tu sais, dans les Arkham, plutôt qu'un Dark Souls. Dark Souls, la caméra, elle est centrée, alors que là, elle est sur le côté gauche ou le côté droit. Après, on n'a pas vu de séquence de gameplay, hein, on va se détendre. Bah, c'est comme ça. Moi, j'en sais rien, j'ai pas regardé les vidéos. Et quand Kratos marche, la caméra, le personnage est sur le côté de l'écran et pas au centre. En fait, on en a vu du gameplay, tu dis des bêtises, toi, là-haut. On a vu des petits trucs, mais on a presque rien vu, en vrai. Enfin, ils ont pas beaucoup. Comparé à. Ils ont pas beaucoup montré de jeu. Hein. C'est pas. On a vu quand même une grosse séquence. Il y a que toi qui a pas vu le gameplay. Franchement, oui, on a vu une grosse séquence. Moi, je vais apprendre qu'il y aura la Batmobile dans God of War. Bah oui, voilà. Tu auras la boîte mobile, évidemment. Bien. Non, non, non, mais ça va être, ça va être trop bien. Ça s'annonce. Je pense qu'on peut faire confiance à Santa Monica. Bah, ils bichonnent leur bébé depuis longtemps. C'est un des studios que j'aime le plus, moi, de chez Sony, avec avec les autres. Oui, voilà, enfin avec Naughty Dog, ou tu vois, j'allais dire Polyphonique, mais Polyphonique, ils s'en sortent pas très bien pour l'instant avec la PS4. Non, ils ont un peu de mal. Et surtout le donc mon coup de cœur inattendu de l'année dernière avec Horizon, perso. Ah oui. Guérilla. Guérilla, voilà, qui font vraiment montrent vraiment que malgré le fait que oui, ce ne soit pas des PC surpuissants. Il y a Insomniac et Spider-Man aussi. Quand on voit Uncharted 4, on se dit qu'effectivement, PS4, elle a quand même de quoi faire. Bah oui. Bon, Mais ouais, non, bah. Ça va arracher. God of War, il va arracher. Day One pour moi. C'est la promesse que j'attends le plus de ce début d'année, je veux dire. Midrias nous dit sur le chat qu'il sera peut-être assaisonné de QTE. C'est God of War, il y en aura, c'est sûr. Bah ouais, c'est God of War, il y en a toujours eu. Après, les QTO dans God of War ne m'ont jamais trop dérangé. Ah ouais, c'est un petit comme ça des boss. Hein, ouais. Les God of War, c'était souvent... le crevage des yeux de Poséidon. Bah j'ai jamais eu de frustration dans God of War. Tu sais, tu rates une QTE et tu meurs. C'est ça qui est frustrant souvent avec les QTE. Tu rates la QTE et ça te fait rater ton combat, alors qu'avant, t'as fait des combos de malade et tout. Ouais, dans God of War, j'ai jamais eu ça. Mais... Non, parce que t'as la fenêtre pour les faire qui est quand même assez grande. On te laisse quand même la possibilité de les faire. Donc ça veut dire que voilà, tu... bien impliqué dans le combat. Voilà, tu fais... Tu vois, la QTE, c'est un peu la récompense d'avoir fini le combat. C'est pas... C'est ça. Ça fait pas partie du combat, en fait. C'est pas le truc du gameplay qu'on met là parce qu'on sait pas comment faire le... Voilà, dans God of War, j'ai jamais eu ce sentiment-là de... on savait pas quoi faire, donc on fait une grosse QTE. Non, c'est vraiment... Tu as fini le combat, donc tu as le droit de faire un truc... Tu éclates les yeux de Poséidon, tu éviscères ton cyclope. Le mode hard, c'est normal, c'est le mode hard. J'espère, oui, en pensant au combat contre Poséidon, qu'ils feront pas l'erreur de God of War 3 de balancer autant la max sur la scène d'intro. Ah ouais, parce que God of War 3, j'en ai retenu presque que la scène d'intro. Moi, hein. Et le combat contre Hades aussi. Ouais. Mais le fait de balancer tellement fort d'entrée de jeu, c'était. Remarque, God of War 2 aussi, avec son colosse au début, c'était. Ouais, mais il y avait. C'est comme ça que God of War fonctionne. Dès le début, tu... Non, mais c'est normal, de toute façon, au début, il faut toujours... Dans les jeux, surtout des studios Sony, j'ai remarqué, t'as la séquence d'intro où casse ta bouche, tu sais. Même The Last of Us. Hein. Mais dans les God of War, c'est exactement ça. Et hein. Même dans The Last of Us, hein, l'intro, t'es là, t'es... Oui, pardon. Puis après, ça... ça laisse le temps de souffler un peu. Mais bon. Et d'ailleurs, parlant donc, puisqu'on est dans les exclus Sony, et tu viens de parler de The Last of Us, je pense que un Last of Us 2 en fin d'année, on est dans le domaine du possible. Ouais, mais attends, t'as aussi le Spider-Man qui sort avant. Hein. De l'envisageable. De toute façon, pour 2018. Hein, c'est Spider-Man, aussi, hein, lui, c'est gros jeu. Hein. C'est un des jeux les plus déjà réservés aux États-Unis. Ça va faire un tabac. Hein. Puis c'est Insomniac hein, derrière. Insomniac Games. Insomniac qui ont prouvé qu'ils savaient l'utiliser, la petite PlayStation 4. Ah ouais. Avec leur Ratchet et leur. Et même leur. Le seul problème avec Spider-Man, tu sais ce que c'est, Pelle. Non, mais tu vas me le dire. C'est le personnage, peut-être, c'est ça. Non, c'est pas la VR qui est promis dessus. Oh. Ah, je sais pas. Mais non, je crois pas. Ça me dit rien. Ils avaient pas promis que ce soit compatible PlayStation VR, Spider-Man. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Mmh. Bon après je dois admettre que c'est pas un jeu que j'attends du tout moi. Donc. T'as peut-être raison, hein, je sais. Ah moi j'attends Spider-Man impatiemment. Moi aussi, complètement. Fury Anthem, on sait pas. Anthem, ils ont parlé de... Non, Anthem a été repoussé à mars 2019. Ouais, c'est ce qu'il nous dit, quoi. Le jeu, il tourne sur aucune machine existante. Non, mais attendez, vous avez vu le truc de ouf, quand même, qu'ils ont présenté. C'est du précalculé, ça sera pas mais, du jeu. Mais ouais. Comment ils ont pu croire qu'on gobrait ça, quoi. Ils sont fous. Et il y en a qui l'ont gobé pour plein de jeux avant. Je regardais la vidéo du trailer, et là, même ma Titan X, elle était là, non, pas ça. Attends, ouais, mais dis-toi qu'il y a des, comme dit Ekoman, ouais, c'est le target render, mais il y a des années ça passait. Maintenant, oui, ça passe moins parce qu'on est au courant. On sait comment ça marche. Voilà quoi. Mais oui, en thème, oui, on verra pas avant 2019. C'est clair. Après, moi, c'est pas un jeu que j'attends parce que je suis pas du tout la cible pour ce genre de jeu. Mais Je sais pas, il y en a qui l'attendent parmi vous. J'aurais pu l'attendre. Moi, je pensais que ça avait l'air bien, quoi. J'aurais pu l'attendre si ça avait pas été un jeu multi. Mais moi, un simulateur d'armure d'Iron Man, je suis client, hein. Pas de problème. Hein. Mais... Oui, après le côté multi, ouais, moi c'est pas du tout. C'est pas que je dis que le jeu multi c'est de la merde quoi que ce soit, c'est juste que moi je joue pas trop au jeu multi. Donc, du moi coup, non bah... plus. Bah, déjà, je suis pas un joueur PC de base. Déjà, et comme je pense que le jeu il va sortir en PC en premier lieu et ensuite sur console, ça fait pas de mal à la cible du jeu. Donc, ouais, je suis pas sûr, il était présenté à la conférence Xbox, il semble. Oui. Mais bon, à mon avis, il y aura sûrement. Xbox et PC, tu sais, c'est intimement lié. Hein. Bah ouais, mais justement, non. À mon avis, il sortira d'abord sur One. Enfin, je sais pas. Ouais, comme tu dis, Medrias, je pense que c'est quand même tôt. Ouais, on sait pas. Vraiment, ouais. On n'a pas vraiment vu grand chose. Pour moi, on a littéralement rien vu de jeu en vrai. Ouais. Voilà. Ah, ils nous ont juste montré une belle démo technique. Ouais, ouais. Par contre, voilà, c'était dans le cadre de l'E3, ça a claqué et tout. Mais pour moi, on a rien vu du jeu. Donc pour l'instant, on verra. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas le but de ce podcast, on parle 2018. 2018. Bah, 2018, alors tiens, vu qu'on est encore en 2018 avec Sony, alors la question qui tue, Kingdom Hearts 3, 2018 ou pas? Oui. Ça fait 10 ans que je l'attends, ce con de jeu. Oui, honnêtement, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire... PS3 pour ça. Je vais vous dire, j'y crois. J'y crois Kingdom Hearts en 2018. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. Par contre, là où on va peut-être se faire arnaquer, je flaire le Kingdom Hearts 3 et le Kingdom Hearts 3.5 ou un truc comme ça. Ouais, en chapitre. C'est possible parce que là, il parle encore de rajouter des trucs. Je sais pas d'où sort ça, ça sort nulle part, mais c'est mon moi intérieur, tu vois. Et on peut faire confiance à ton moi intérieur. Je sais pas, mais ouais, parce que même si bah, ils nous disent 2018, ils ont rajouté tellement de trucs depuis 10 ans, il y a tellement de nouvelles choses qui se rajoutent, sachant que maintenant t'as l'univers Star Wars. Oui, puis maintenant, maintenant si tu veux alors, même beaucoup, tu peux rajouter les Simpsons, hein. Tu peux rajouter les Simpsons, Avatar, tu peux rajouter. Voilà quoi, donc vu que ça fait déjà 10 ans que les gens ils l'attendent, ils se disent on n'est plus à 6 mois près. Donc pour moi, 2018, mais en plus ils nous ont montré tellement peu de choses, finalement. Oui. De la vidéo, quelques petites informations à droite à gauche, une image par-ci par-là. Ouais, le coco, le mokori, ouais. Mais il y a Ni no Kuni 2, en fait. Oui. Juste Cap Silver, ouais, non. Alors, FF7 Remake, non. Et tant qu'on y est, Shenmue 3 non plus, pas cette année. Hein. Non, moi, il n'y a aucune chance. FF7 Remake, déjà, il n'y a aucune chance. Shenmue 3, vu de ce qu'ils nous ont montré 2018, ça me paraît... Pareil, compliqué. Hein. Vraiment. Comme je vous le dis, les gens, hein, pleurez pas, mais Beyond Good and Evil 2, oula. 2018. Hein. Oula. 2019, 2020 peut-être. Voilà. Et donc, pour revenir, donc, Pelle, tu as dit, donc, pour revenir à des jeux qui sortent, ça c'est sûr. Oui, le 20 mars, il me semble. Ni no Kuni 2 qui s'annonce absolument fantastique encore. Alors, tu me permets de nuancer ton encore ? Non, parce que je sais ce que tu vas dire. Le système de combat, D'accord avec lui, je déteste. Moi, je me suis fait chier dans le premier. Le jeu était magnifique, mais le système de combat était juste pas intéressant. Et mais pourtant, moi, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé ça bien. Non, mais t'inquiète pas, Appel, tu n'es pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le système de combat. Moi, je fais partie des gens qui l'ont détesté. Je me suis ennuyé. Je sais que les plaintes, enfin, en tout cas, les reproches. Au sujet du jeu et du système de combat, c'était aussi une mauvaise IA des familiers. C'est comme ça qu'ils appelaient les petits personnages. Oui. Mais alors, moi, je te promets le plus sincèrement du monde, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais jamais. T'as eu de la chance. Ouais. T'as eu de la chance que ça t'ait pas gâché ton expérience de jeu, parce que moi, ça me l'a gâché. Je suis pas tout seul. Hein. Moi, le jeu, je l'ai. Mais alors, il faut justement, apparemment, le système de combat n'est plus le même. Changé. C'est plus du tout un mode à la Pokémon. Toi, tu diriges une armée et c'est beaucoup plus d'action RPG. Et je pense que ça pourrait plus te convenir. Hein. Tu diriges une armée. Apparemment, c'est un Mushu. Une armée petit bonhomme. Non, mais c'est vrai, ça a l'air vraiment. C'est la même chose que Dragon Force sur Saturn. Ah oui, Dragon Force. Putain, c'était fort ça. Ouais. Avec un scénario. Non, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas comme ça, mais bon, voilà, t'as plusieurs petits personnages, mais tu les invoques pas comme des Pokémon c'est sur une scène de combat, je sais plus trop comment ça se passe, mais le système de combat est différent, voilà. C'est les nouveautés du jeu. Et là, ça nous a cloué le bec. Ah ouais, alors là, on a le bec, oui. Moi, c'est encore plein de jeux en 2018. Bah oui. Ouais, bah, on a pas encore parlé de Red Dead Redemption 2. Exactement, lui par contre je l'attends. Vous y pensez, vous y croyez 2018 lui? Oui, alors, c'est ça le problème. Ils disent oui, mais honnêtement, connaissant leur façon de faire, comment ils peaufinent leur jeu, 2018 ça me paraît impossible. Je sais pas, non, ça me paraît. Rockstar de le sortir en 2018. Ça me paraît pas. Après, Rockstar, ils hésitent pas à repousser. Hein. Bah oui, justement, en 2018, ça me paraît. Ça me paraît pas impossible, mais bon. Après, ouais, moi, j'aimerais bien qu'il sorte en 2018. Parce que oui, j'attends. Le premier, je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un très très bon jeu, bien écrit. Intéressant à jouer. Si ce n'est certains bugs que moi, a pu constater. Ah non, alors attention, les bugs, c'est que sur le DLC. Sur le jeu de base, rien à dire. Le jeu, il est pour moi irréprochable. Je vais écouter. Oh, il y a quelques bugs, mais il n'y a rien de... Ben, irréprochable dans le sens où il tourne techniquement, il n'y a aucun problème. C'est le DLC, le dernier patch foire complètement le jeu. Ils te le vendent tel quel sur le marché Xbox Live de la One et de la 360. C'est une honte. Et c'est une honte. D'ailleurs, je le dis, hein, si quelqu'un de Microsoft nous écoute, c'est une honte de mettre un jeu qui ne fonctionne pas et de le vendre 20€. Enfin, même de le vendre, tout court. S'il ne fonctionne pas, voilà. J'en place un mot pour Mad Max. Merci Warner Bros. De vendre un jeu avec un glitch qui n'a jamais été corrigé malgré les plaintes des gens. Tu veux un jeu qui a jamais été corrigé et qui est absolument horrible? Rocky sur PlayStation 2? Oui, mais... Ah, mais voilà, je sais, c'est pas un jeu actuel. Oui, non, mais tu as raison. Regarde le bousin, c'est de l'art. Quoi. Sans rire, c'est de l'art. Donc merci à tous les studios qui savent qu'ils ont des bugs dans leur jeu, mais qui n'y corrigent jamais. Ah oui, parce que le bug là dont je parle dans Red Dead... Undead Nightmare, il date quand même de, je sais plus, 2013 ou 2014. Oui, mais il est connu, parce que les gens l'auront dit, mais ils n'ont jamais voulu changer quoi que ce soit. Et pour Mad Max, hein, c'est la même. Mais ceux qui ont acheté le jeu et qu'il ne faut pas le lancer, il y a quand même un remboursement, quelque chose. Eh ben, je sais pas. Je sais pas, parce que sur le... Ça note sur le... Ah, je suis pas allé voir, ça note sur le marché Xbox Live, quoi. Ouais. Ouais, peut-être dû, mais... Je sais pas comment ça se passe. Mais bon, quand tu en es rendu au point... Quand tu sauvegardes, ça fait planter la console... Que les zombies n'apparaissent plus, enfin bref, tu peux plus sauver les villes, que le jeu se met à ramer, c'est injouable. Mais bon, bref. Espérons que pour Red Dead 2, ça soit pas comme ça. Ouais. Ouais. Bon. Donc, qui attend Red Dead 2 ici? Ah, moi je l'attends, j'ai vraiment adoré. Le premier, c'était un coup de cœur énorme, le côté justement western, mais façon Sergio Leone, enfin, j'ai adoré. Bah, rien que la musique du début, quoi. J'attends Red Dead 2 aussi. Moi aussi. C'est le western sale, comme ça, un peu spaghetti. Moi, je suis beaucoup plus mitigé, mais moi, j'ai un problème avec les jeux Rockstar, dans lesquels je m'ennuie profondément, très rapidement. Et j'espère que ça va être mieux que GTA V, notamment. Qui ne suis pas quelqu'un de très client pour les GTA, effectivement, ouais. Ça m'ennuie. Le côté western, moi, m'a totalement happé. Ah bah c'est pareil que les GTA, moi je suis pas super fan, enfin pas plus que ça quoi. Alors que le western, ouais. Pardon. L'univers m'a contenté, j'ai trouvé ça très bien, j'ai trouvé le monde ouvert cohérent, quand même des choses à faire, ouais, pareil, beau, terriblement beau, très bien écrit. Puis à cheval et tout, quoi. C'est cool. Donc ouais. Ouais. Cheval. Donc ouais, le 2, moi, j'attends. Ouais. Juste pour parler rapidement d'une sortie dont je pense personne ici ne l'attend vraiment, mais ça sort quand même en ce début d'année. Le gros jeu Ubisoft du début de l'année, Far Cry 5. Ouais. Non, de mon côté, je l'attends pas, mais oui, ça reste un jeu. Je suis pas fan des... Je pense voilà, ici qu'on n'est pas fan de cette série-là, mais ça peut être bien. Mais ouais, oui, parce que moi, j'ai pas fait de Far Cry, ça ne me disait pas plus que ça. Mais là, l'univers a l'air plutôt... Plutôt amusant, intéressant. Après, ça dépend. Ouais. Moi, j'avais détesté le 3 parce que j'avais l'impression d'avoir une skin Assassin's Creed dans Far Cry. Ça m'avait dérangé fortement. J'ai pas fait le 4. Donc, si le 5, ils ont changé la formule et qu'ils ont... Ça peut se tenter. Pourquoi pas. Oui, l'univers a l'air... Mais oui, comme dit Beyond, effectivement, je suis quelqu'un qui va l'attendre. Ouais. J'y jouerai à l'occasion si ça se... Autre sortie de l'année qui, pareil, moi, me laisse complètement de marbre, mais je sais qu'il y a une hype de fou dessus, le nouveau jeu. Le nouveau truc de David Cage, Détroit. Ah, Détroit, oui. Alors, non, bah voilà, c'est spécial. Hein. Non, merci, non merci. Moi, je ne suis pas non plus du tout client des. On parlait des QTE God of War. Oui, Midrias, voilà, tu as ton exemple de QTE. Ouais, mais bon, c'est un type de jeu que beaucoup de gens aiment. Parce que moi, je vous l'avais dit quand j'avais fait la Paris Games Week en novembre dernier. Le jeu qui ressortait le plus d'enthousiasme, c'était celui-là. Vraiment, les gens étaient très très... Comme toujours avec les jeux de Ken, jusqu'au... Non mais il l'avait testé. Il faut, il faut que tu fasses un truc avec ton micro, on n'entend pas la fin de tes phrases. Ça, moi ? Ouais, ouais, mais ça coupe, monsieur. Ouais, je vais essayer de me déco, je reviens. Ok. Et donc, non mais le jeu, et puis les retours, tout bon. Ouais, mais après, c'est comme d'habitude, il faut voir dans son ensemble, l'histoire dans son ensemble, oui, comment ça. Elle est écrite. Mais voilà. Et tu sais, c'était quoi le jeu qui était dans le même principe, mais avec dans un univers de film d'horreur là, que tu avais fait, Mosdick. Until Dawn. Il y a une clientèle hein, pour ce type de jeu. Hein. Until Dawn, c'est différent parce que il a été écrit en utilisant les poncifs du slasher. Les types savent exactement où ils veulent aller. Ouais. C'est quand même différent. Là, il n'y a pas de velléité truc philosophique. Les types veulent faire du slasher. Il te faut un slasher. Exceptionnel, mais tu sais à quoi t'attendre. Ah ouais. Mais là, il y a quand même... Il faut faire 12 000 pages de scénario pour, au final, accoucher d'un Heavy Rain. Il y a beaucoup de fans qui ont aimé... Après, que les fans aimaient, d'accord. Mais la qualité d'écriture, tu peux, je pense, être même de juger si elle est bonne ou non en y jouant. Tu peux voir s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas. C'est vrai que c'est méchant quand on dit que c'est digne d'un scénario d'Hollywood Nights. Les plus vieux se souviendront certainement de ce que c'est, mais... N'est-ce pas Beyond ? Oui, c'est dur, mais bon. Mais quand tu joues, effectivement, le type a mis des années pour écrire ça, mais c'est pas très bien. Après, j'espère que Détroit, il aura fait des efforts, il aura changé sa façon d'écrire, et ça sera peut-être bien. Mais moi, j'ai été très, très déçu de ces anciens jeux, donc effectivement. Mmh. La thématique m'intéresse, moi, dans Détroit, mais après. Oui. Bah, peut-être, je sais pas. Oui, Midrias, ça avait l'air engageant, mais c'est comme d'habitude. Mais j'avais choisi la partie qu'il fallait. Après, il faut voir le jeu en entier. Moi, j'avais testé la démo d'Heavy Rain et ça m'avait pas convaincu du tout. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait des séquences où. Mettez la table, t'étais là, mais. T'avais des QTE pour mettre la table. J'étais. Non, on s'en fout, quoi. C'est pas pour moi, mais je suis. Il y a des séquences dans Heavy Rain qui sont totalement hallucinantes. Mais je me suis dit, ce jeu il est juste pas pour moi en fait, c'est tout point barre, hein. Je vais pas chercher plus loin. Moi je l'ai fini. Il y a des choses qui sont inexplicables, il y a des choses c'est incompréhensible. Je suis pas allé jusqu'au bout d'Heavy Rain, je suis pas non plus allé jusqu'au bout de Fahrenheit avant la fin. Fahrenheit c'est normal, moi j'y suis pas allé à cause des séquences d'infiltration qui étaient indigentes. Qui est pourtant souvent cité comme le préféré des fans de. Ouais, mais bon, les fans sont pas des gens objectifs. Il y avait des très bonnes idées dans Fahrenheit, mais elles étaient très mal exécutées. Et faire du Simon, se rappeler des couleurs comme de la Simon. Comme le jeu Simon. Après, c'est catch, mais non, moi je l'attends pas. Je sais pas pour vous, mais moi. Non. Petit mot rapide, toujours dans les jeux PS4, je tiens à mettre en lumière une sortie en ce début d'année d'un jeu qui s'appelle Tennis World Tour. Alors ça a l'air de rien comme ça, vous allez dire, ouais, c'est un jeu de tennis. Ouais, c'était quand le dernier jeu de tennis ? Ah mais moi je suis content, hein. Voilà. Te dire. J'ai acheté Everybody's Tennis. Le tennis a été, totalement abandonné après Top Spin 4, c'était le dernier, c'est ça ? Qui était très bien. Et depuis, genre le tennis, plus personne voulait nous sortir un jeu de tennis, on sait pas trop pourquoi. Il y a eu Virtua Tennis 4, et Top Spin 4, et après je suis pas d'accord, il y a eu un Mario Tennis sur Wii U. Non, ça a pas existé. D'accord, ok, excusez-moi. C'est pas le même genre de jeu de tennis. Oui, il y en a un, il y a un nouveau Mario Tennis qui a lancé. Avec un mode scénario. Oui, du coup, avec son mode scénario RPG, ils ont dit... ça voulait se rapprocher du truc sur GBA là, et ben ça du coup ça m'intéresse. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Après oui, en termes de tennis simu, si on peut qualifier la tennis 4 de simu, ça va être autre chose. Mais un peu plus réaliste, c'est vrai qu'on en a plus. C'est vrai. Alors que c'était un genre assez populaire hein, quand même, auparavant. Ouais. Mais voilà. Oui, mais les faibles ventes des derniers. J'ai presque envie de dire, c'est presque un genre qui a démocratisé le jeu vidéo, mine de rien. Bon. Clairement. Mais c'est vrai. Surtout, on se rappelle de certaines pubs de jeux de tennis. Oui, aussi. Oui, oui. Je laisse le soin aux gens de mettre l'image dans le chat. Hein. Que pour le coup, je pense que si tu le mets dans l'overlay Twitch, il y a des chances que ta chaîne, elle saute. C'est un document d'époque. Voilà, c'est ça. C'est une archive. Une archive. C'est une belle image d'archive. C'est pas moi qui ai fait la pub, les gars. Faisais pas chier. Donc oui, Beyond, oui, le tennis, ouais, très bien. Oui. Et sinon, on rend des choses qui apparemment sont prises pour 2018, il n'y avait pas Shenmue 3 Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Shenmue 3, pour moi, c'est comme FF7 Remake, il n'y a aucune chance de sortir cette année. Hein. J'ai pas parlé de ça tout à l'heure, quand tu l'avais mentionné. C'était sans doute quand j'ai Discord qui a fait de coca à un moment donné, je vous entendais plus. Non, mais t'as bien raison, Monsieur Chou, tu peux en reparler. Mais donc bon, ouais, non, à mon avis, Shenmue 3, vu là où ils en sont aujourd'hui, il n'y a aucune chance. Ce qui est bizarre, c'est autant FF7 Remake, j'y crois pas une seconde non plus, comme tu dis, mais Shenmue 3, moi, je pense que c'est pas impossible. En même temps, si le jeu sort cette année, et ils ont dit qu'ils allaient plus faire de communication, il y a un problème s'il sort cette année. Ouais, ils veulent plus communiquer dessus. Ils disent toujours qu'il sort cette année quand même. Ouais, mais quand tu vois ce qu'ils ont montré comme image peu engageante, si le jeu sort cette année dans cet état-là. Ah bah les derniers ajustements des visages, c'était la dernière news, c'était cette semaine d'ailleurs, il me semble. Ça va, c'était pas vilain. Il y a eu de l'amélioration. Oui, mais d'accord, mais quand tu dis c'était pas vilain, parce que quand même ça tourne sur une PS4 et une Xbox One. Non, je veux dire, la tête de Ryu au début. Quand même, c'est pas ça. Oui, mais bon, 2018, c'est un monde ouvert. Ils n'ont pas fait la moitié des trucs qu'ils devaient faire. Ils te le disent eux-mêmes. Ouais, mais on verra. 2018, ça me paraît pas ambitieux. Non. 2050. Oui. Il semble aussi à Mega Man 11, qui est prévu aussi pour 2018, non? Oui. Capcom totalement. A annoncé un Mega Man 11 en se disant, bah, tiens, apparemment les gens ils veulent acheter des jeux qui ressemblent à du rétro aujourd'hui. Donc... Pareil pour Meat Boy Forever, c'est prévu aussi pour du... Alors, Meat Boy Forever, c'est celui de la team Meat Boy, hein, c'est pas Mega Man, c'est la team Meat Boy, hein, c'est qui est fondé. Oui. Ah, et puis là, c'est le dossier de ce qui me dit pour une fois, il risque peut-être d'avoir un jeu. Optimisé. Oui, et qui déteste pas les joueurs. C'est ça. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Un jeu optimisé de la part de cette team-là ? Mais vous êtes fous, les gars. Avec Monsieur Chou, on pense que Edmund Macmillan n'aime pas les joueurs et qu'il veut les punir. Non, mais un jeu optimisé de Macmillan, mais on aura tout entendu. Macmillan, c'est un peu le Takeshi Kitano des années 2010. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu disais, moi ? Non, je disais un jeu optimisé de fourni par Macmillan, j'aurais tout entendu ce soir, c'est n'importe quoi. Ah non, mais il sait pas les optimiser, après c'est n'importe quoi. Non, mais n'espérez pas. Ouais, c'est la team Meat Boy, mais... C'est la team Meat Boy. On se dit qu'avec un peu de chance... Bah, c'est une team Meat Boy, c'est ce qu'on fait Super Meat Boy. C'est ça. Jeu, il est optimisé avec le cul. Bah, avec un peu de chance... Un peu de... Il est optimisé avec le cube, mais... Ah non, attends, alors, il n'est pas sorti, donc... Il est jouable, le jeu, t'as pas eu 100 milliards de DLC qui, au bout d'un moment, l'ont tué à petit feu en rajoutant des conneries qui ont des... comme Isaac. Ah, ça sent Isaac. Je crois que ça part d'Isaac, là. Non, mais... J'arrive toujours pas à me faire à l'idée à quel point tu peux baiser, en fait, une licence en rajoutant, en fait, des trucs, tout en te disant, voilà, les problèmes qui sont là, en fait, dans les différents portages... Non, je change pas. Il a fait pire. Si vous n'êtes pas content, jouez à un autre jeu, foutez-moi la paix. Il a fait pire. Il a laissé les gens faire des objets pour tuer encore plus le jeu. Et il accepte les objets, même si ça casse le jeu et que les salles sont indigentes. Ouais. Quand tu joues pendant 20 minutes à un jeu qui est quand même basé sur l'aléatoire et que tu n'as aucun objet qui te permet de démarrer une partie décente, tu te poses quand même des questions. Tu te dis, mais c'est quoi la RNG de ce jeu, quoi. C'est Macmillan, ça serait... Voilà. Enfin bref, on pourrait faire un podcast sur Macmillan, ça pourrait être... Oui, mais totalement, hein. Un jour, si vous le faites. Alors que, Super Meat Boy, j'adore, Isaac, j'adore, mais c'est vrai que des fois, t'as juste envie de dire à Macmillan, t'as fait ton jeu, il est bien, t'y touches plus. Rebirth, c'était pas si mal, hein. Rebirth, c'était bien. Ah ouais, mais il était même super bien, oui, j'ai passé plus de 400 heures. Afterbirth a tué son jeu, Afterbirth Plus, là je fais... Alors, le Afterbirth Vanilla, ça va encore. Le Plus, c'est juste pas possible. Mais après, on s'écarte du sujet. Ouais, voilà. Parce que finalement, la meilleure... Il y avait deux jeux aussi pour 2000. La meilleure preuve de voilà, du fait de ce que McMillan est méchant ou pas, c'est Tofu Boy dans Super Meat Boy. Oui. Souvenez-vous. Je voulais parler juste rapidement sur PS4 vite fait qui rapporte gros. Outre l'Hérésy Secret of Mana, on va bouffer des remakes cette année. Oui. Puisque donc on vient nous annoncer Dark Souls Remastered. Ouais, enfin, le remake qui sort sur. Tu dis PS4, mais non, il sort. Oui, PS4, bon, ils sont aussi sur d'autres formats. Non, mais voilà. C'est pas sur d'autres formats, ouais. Il sort sur tout. Sur tout, ouais, tout possible. En bref, Dark Souls ressort, hein, ça coûte pas cher. Ah, ça il m'a semblait, moi, que, à part le 2 qui était sur toutes les plateformes en remake, l'intégralité c'était une exclusivité PS4. Ah non, il sort sur Switch. Non. Dark Souls aux toilettes. Remaster sort sur Switch, PS4, Xbox, PC. Ouais. Totalement. Alors que les mecs vont faire tomber leur Switch dans les WC. Hein. Pour la casser. Ah ouais. Vous êtes mort, vous êtes mort, bah tiens, toi aussi. Oula, la Switch dans les toilettes. On a également cette année le remake donc de Shadow of the Colossus. Remake, remaster, alors aussi on va Qui, d'après les premiers retours que j'ai, est pas foufou du tout. Il paraîtrait même qu'il a été fait par des amateurs tellement c'est dégueulasse. D'accord, ça va être bien. Ce qui est fort possible. Mais... Après, moi j'ai pas vu le jeu, mais les ah ouais, parce que moi j'ai déjà. C'est moi, j'avais, super engageant. Moi j'avais vu un trailer et je me suis dit, putain, ils ont fait un vrai. Ils ont pas fait comme le. Bah ouais, mais il y a des gens qui ont joué au jeu. Parce que maintenant, voilà, il y en a qui l'ont et qui ont joué. C'est pas... Voilà, quoi. Ah, d'accord. Bon, et par contre, un remake que j'attends, enfin que j'attends, compte tenu de ce qui a été fait avec le précédent, je pense que ça va être du même acabit, Dragon's Crown ressort sur PS4, sous une version qui va s'appeler Dragon's Crown Pro, donc Dragon's Crown, un jeu de VanillaWare, qui ont déjà fait une superbe nouvelle version de leur Odin Sphere, Leifstrasir, qui, j'avais pas franchement aimé le premier sur PS2, il avait plein de petits soucis. Et j'ai beaucoup aimé la version PS4, où tout ce qui était pénible, ils l'ont refait, ils l'ont retouché, et c'était très agréable. Ouais. Dragon's Crown était déjà un jeu très sympa, surtout en multi. Bon, graphiquement, on aura de la 4K, ça devrait bien arracher les yeux. Et j'attends ça, bah, j'attends de voir ça. Moi aussi, mine de rien, j'attends de voir comment. Moi j'attends. Ouais. Attention, roulement de tambour. Moi j'attends les Megaman et Megaman X Collection sur Switch. Jouer à tous les Megaman X 2D, je précise. Ou même les Megaman depuis n'importe où. Bah je prends. Aux toilettes. Je prends. D'accord. Voilà. Okay. Et je reviens sur le Dark Souls, j'ai vite fait remaster. Bah oui, effectivement, c'est parce que je confondais avec le Dark Souls Trilogy, qui est une exclusivité PS4. En fait. Ah, bah par contre, ça peut-être, oui. Oui, oui. Ah, donc, il faut une trilogie ? Ouais, où ils refont tout remasters de les trois épisodes, mais là, ça sortira que sur PS4. D'accord. Ça, c'est possible. Ouais. À un prix complètement farfelu. Un prix modique de 250€. Ah, voilà. Non, 450, je crois. C'était, voilà. Ouais, 450-500. c'est une grosse collector, hein. Il y a plein de trucs, mais voilà, c'est... Ah oui, déjà, c'est même plus des statuettes, c'est des statues. Non, mais attendez, on parlait des collectors Square Enix qui faisaient déjà mal au postérieur, mais là, je pense qu'ils vont... Oh bah non, ça, c'est bon, je pense que tu peux déjà plus les acheter, hein. Non, mais tout le monde... Oui, il a déjà plus, je crois, non. Non, quoi c'est... Bah, ah oui, Dark Souls, la communauté, elle est très présente, hein, pas de soucis. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. C'est moi qui voulais en acheter 12, zut. Il n'y a pas un Kirby aussi, Yakuza 6 qui sont prévus aussi pour... Pour finir sur PS4, juste un petit mot sur un jeu très attendu par Pell. Donc n'oubliez pas la sortie de Gatlin 2 au début de l'année, même s'il n'y aura pas de petite culotte ce coup-ci dans le collector. T'es sérieux? Non, ils ont prévu un truc pire qu'une petite culotte. Ah, petit pelle s'est barré. Hein, vous le voyez d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il s'est barré, voilà. Non, mais c'était pour rire. Il est parti faire sa petite affaire, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, c'est pas. Donc, Je voulais faire le gars vexé. Mais oui, effectivement, Galgun 2. Hein, voilà. Je voudrais signaler un autre truc aussi. Senran Kagura Burst, donc le 2, qui était sorti sur 3DS, mais une sortie en Europe, mais un truc ultra confidentiel, un truc fou. Ouais. Et ben, ils vont le ressortir sur PS4. Si vous aimez le, si vous aimez les, ce genre de jeu, qui est un, qui reste un bon beat'em all, un des fouloirs, je tiens à dire, il y a pas que ce genre. Quand tu dis ce genre de jeu pour les gens qui ne connaissent pas, quel est ce genre de jeu? C'est un beat'em all avec des filles qui, quand tu se prennes des coups, leurs vêtements se déchirent. Voilà. Voilà. Et quand elle court, ça rebondit. Et ça bien, mais bien comme il faut. Hein. Par contre, bon, c'est quand même tiré de la licence extrêmement populaire au Japon, Senran Kagura, c'est ça? Et oui, totalement, mais de toute façon, c'est un genre qui ne peut pas. Et l'épisode qu'il y avait eu précédemment là, sur PS4, c'était un moussou, hein, c'était, et il était loin d'être raté, hein, le jeu. Non, non, c'était, mais non, c'est bon jeu, mais ouais. Voilà, il y a de la polémique parce que oui, les personnages sont complètement. Bah, c'est un jeu japonais. Enfin, ils font du 215F en bonnet, quoi, c'est n'importe quoi, mais. Mais les jeux sont bons. Donc voilà, et donc voilà, c'est pour ça que je dis, ils vont faire un espèce de remake sur PS4 du 2, alors que chez nous, ils. On n'a quasiment pas pu mettre la main dessus. Donc... Je vois dans le chat, ouais, les gens sont happés par Galion 2. Donc voilà. Et donc, Ounis, ce que Chou, tu l'as dit, j'allais venir. On va parler de Yakuza 6 quand même. Ah, mais moi, il n'y a que celui-là que j'attends. Peut-être le GOTY 2018. Hein. Pour moi, certainement. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, oui. Mais parce que. Avec une. C'est Yakuza, quoi. Je dis, soit en passant, une excellente nouvelle qu'on a eue aussi la semaine dernière, cette semaine, je ne sais plus, bref, la confirmation que le jeu ne serait pas censuré du tout en Europe. En même temps, ce n'est pas étonnant, parce que quand tu vois les derniers qu'on a eus non censurés, avec les vidéos des adultes... Il restait le problème du chat adulte, entre guillemets, qu'on se demandait ce qu'ils allaient faire. Il va être là, en intégralité. Voilà. On va avoir notre jeu non amputé, on peut être heureux. Moi, je le suis, en tout cas. Voilà. Eh, mais ces gars, ils se donnent du mal, hein. C'est bien. Quand même. Bah ouais, mais en même temps, les ventes suivent. Oui. Ils ont compris que s'ils se donnaient du mal, derrière, les gens achetaient. Ouais, et puis la licence, ils la mettent bien avant, quand même. Oui, parce qu'elle se vend. Et puis après, ça reste Yakuza. Moi, ça reste un jeu que j'adore. Et oui, je l'attends. J'ai déjà pris une commande de ma collector. Et voilà. Quoi. Avec une collector, mais juste beaucoup trop bien, en plus. Oui, nous, ça fera plaisir à nous. Je pense que des verres, ce genre de trucs. Mais non, mais parce que en fait, elle coûte quoi, 80. 80 euros. Ouais. 80 euros. Oui. Tu as deux verres à whisky plus les rocks pour refroidir tes verres. C'est totalement l'esprit de la licence en fait. Enfin. Mais c'est ça. Mais ouais. Et en France, bon, tout le monde va commander un collector. Et surtout voilà. Que les verres, c'est déjà réservé. Mais les verres avec les il me semble que c'est les tatouages de... Oui, c'est dessiné dessus, c'est super joli, quoi. Enfin, ouais, moi je m'en bats les couilles, hein, je vois pas, hein, mais juste le fait que ça retranscrit vraiment le... Même tu bois ton coca, tu montres les verres aux gens, regardez. Ah, là, mais voilà, c'est beaucoup trop bien, quoi. Enfin, c'est super. Voilà. Donc oui, en plus, le prix, par rapport à certains autres acteurs, il est vraiment correct. Voilà. Donc on rappelle que pour se le fournir en France, c'est une exclusivité Micromania qui est disponible sur Amazon. Voilà. Et c'est disponible aussi chez Zavi. Alors non, pour être précis, oui, vous pouvez l'acheter en Angleterre, mais... Zavi, c'est la version anglaise, mais ce sera exactement la même version que nous, on aura. Donc version qui a été disponible chez Amazon, parce qu'elle n'y est plus. Je pense que c'est Amazon, ils sont un peu emballés, à mon avis, mais... Soit ils sont emballés, soit tout simplement, ils en ont en Allemagne, et ils ont voulu la rendre dispo en France, mais a priori en France. Moi, j'ai pas reçu de mail d'annulation. Moi non plus. Parce que moi, je l'ai quand même, voilà quoi, j'ai précommandé. A priori, ce serait une exclue Micromania. Il y en a encore chez Micromania, si vous la voulez. Après, il y en aura même après. Je pense que c'est une collector qu'on va même retrouver. Après, si vous n'avez pas envie de précommander chez Micromania parce qu'ils prennent tout de suite, allez la précommander chez Zavi. Eux, ils ont la version anglaise, mais qui est exactement la même version que chez nous. Voilà. C'est exactement pareil. Et pour un prix encore moins cher. Je crois, mais il y a même des dessous de verre, quoi. Non, mais elle est beaucoup trop bien. Oui, oui. Oui. Ouais. Bon, une année 2018 qui s'annonce bien. Hein. Ben oui. Ah oui, non, mais on va. Et encore. On va avoir de quoi jouer. Hein. On n'a pas encore parlé d'un Nintendo Labo. Attends. Attends, parce que Beyond, il parle PS4, machin, là. J'ai oublié une sortie majeure de la PS4. Un jeu qui va être exceptionnel. J'ai super peur. Tu as parlé de Fury ou pas? Non, pas du tout. Un jeu qui s'appelle... Et qui s'appelle Ryokezak? Grand Blue Fantasy Project Relink. Ah, mais tu parles du jeu de Platinum Game. Ah, Platinum Games, oui, c'est vrai, le RPG. Bah oui. Il y a écrit Platinum Games sur la boîte, j'achète le jeu. Oui, non, mais après, Grand Blue Fantasy est une série assez peu connue en France, c'est... qui cartonne en Asie, ouais. Qui bat tous les records possibles et imaginables chez nous. C'est... Mais alors, visuellement, le jeu est fantastique. Alors, c'est un jeu, c'est un action RPG. Ça pète de partout. Bah, c'est Platinum, de toute façon, donc voilà. Ouais. C'est oui, du cel shading. Platinum, ils ont fait Tortue Ninja. Hein. Oui, aussi, mais c'est pas, on s'en fout. Ils ont fait Bayonetta. C'est du, non, c'est du cel shading. Wonderful 101. Et ça a l'air, ça a l'air, oui, c'est vrai aussi, ils ont fait ça, ouais. Ils ont fait, mais là, le jeu a l'air bien. Et alors, quand il est sorti majeur, je pense que j'exagère un petit peu. Hein. Mais voilà, c'est un jeu Platinum. Majeur pour ceux qui l'aiment, oui, parce que ça s'adressera vraiment à une niche là. C'est un jeu Platinum, et voilà, moi j'achète donc. Quand Platinum. Les news au sujet de ce jeu-là étaient pas vraiment très, très rassurants. Quoi. Je veux dire, il n'y avait plus du tout de nouvelles, on sait pas où ils en sont. Bah, ils ont quand même sorti un trailer la semaine dernière, quoi. Ah ouais, donc, mais le jeu il est toujours. Et puis comme je dis, c'est une licence qui cartonne. Bon, c'est... Ça fait combien d'années qu'il avait annoncé ça? Ouais, d'accord. Ok. Et bah, je te vois, Gwim, dans le chat, tu mériterais d'être Théo. On n'a rien lu. Je pensais que tu allais parler de Fury. Fury. Future héroïne de Darksiders 3. Bah, Darksiders 3, il est censé sortir dans pas longtemps, mais j'ai un doute, quoi. Ouais, là on n'a pas trop vu on a pas vu grand chose pour l'instant. Mais bien sûr, mais vu que c'était pas sûr, je préférais pas en parler. Ouais. Mais c'est clairement c'est un jeu que j'attends. Hein. Oui, j'ai kiffé le premier. J'ai un petit peu moins aimé le 2, mais j'ai quand même bien aimé, mais j'attends vraiment le 3. Ça s'est absolument pas vu, hein. Que t'as moins bien aimé le 2. Absolument pas. Tu n'as pas du tout ragé, jamais. Non, mais je rage dans les jeux quand je meurs, mais c'est normal. Enfin, je rage. Et encore, j'ai pas tant ragé. C'est juste que j'ai fait le cake, je me suis dit ouais, je me rends difficile parce que je suis un cake. Et puis j'ai fait le. Et puis je suis allé voir les boss optionnels parce que je savais pas qui c'était optionnel et ils m'ont massacré, défoncé, explosé. Mais après, je me suis vengé, je les ai défoncés quand même. Pas grave. Donc tu es le seul à attendre Daxader. Peut-être. Non, moi j'ai bien aimé aussi les deux Darksiders, ouais. J'avoue que je me suis tenté. Ouais, clairement. Bon alors ça y est, c'est le moment où on parle de Nintendo Labo ou pas? Il faut. Moi, je vous laisse en parler parce que moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Comment ça t'as pas d'avis? Bah je sais pas quoi en penser. Et bah si t'as pas d'avis, c'est déjà un avis de pas savoir quoi en penser. Oui, mais en quelque sorte oui, c'est vrai. Moi Nintendo Labo, je pense que je vais prendre le truc, pas avec le robot mais l'autre truc. Oui, avec les 5 consoles piano. Ouais, parce que je trouve la manière dont ils ont détourné le fonctionnement de la Wiimote, je trouve ça absolument fantastique. Mais vraiment, hein, d'un point de vue ingénierie et tout, c'est vraiment mais beaucoup trop bien. J'attends de voir si c'est aussi simple que ce qu'ils prétendent que c'est. Tu sais, pour la construction, pillage et tout le bazar. Et voilà. Et je trouve ça beaucoup trop bien d'avoir des trucs en carton et que ça te fait des périphériques en fait. Mais vraiment c'est le point de vue le point de vue grand gamin qui parle là. Moi j'ai écouté un streamer qui en parlait l'autre jour que je suis, qui a dit quelque chose qui pour moi résume parfaitement le truc. Il a dit c'est un jouet pour gosses de riches. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, mais alors c'est important de dire ça parce que c'est pas du jeu vidéo, hein. C'est clair, on l'a quitté là. Ouais, sauf qu'après Nintendo a toujours fait ça. Ils ont fait ça avec les cartes d'Anafuda et tout ce que tu veux. Ouais, mais après, ça me choque pas plus que ça. Mais je suis pas du tout ambiancé par le truc. Non, c'est pas moi. Du coup, c'est ce culot absolu de Nintendo. Donc, il nous sort du carton pliable. C'est ça. Au point de ça, bon, même si d'accord, il y a du R&D derrière, tout ce qu'on veut, blabla. Les deux packs plus le machin décoratif, on parle de 150€, 1000 francs quoi. Hein. Ouais, ouais, voilà. Bah, alors attention par contre, par exemple, le robot, le robot je prendrais bien, mais c'est mon porte-monnaie qui dit pas, qui veut pas. Mais ouais. Il faut savoir, il y a de la R&D certes, mais en vrai, tout ce qui est le carton en mode créatif comme ça, mais en vrai, ça coûte une blinde. Hein. Faut bien comprendre. Le carton pliable, prédécoupé et tout, ça coûte relativement cher. Oui, mais après, ça reste quand même. Moi, après, je suis d'accord avec le truc. Mais, ouais, pour... mais par contre, dire que c'est un jouet pour gosses de riches, en fait, ouais, c'est totalement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis d'accord. Parce qu'on a, on a en plus Nintendo qui va encore plus loin, entre guillemets, avec les récentes déclarations qu'on a entendues, où en gros, Nintendo compte vendre plusieurs Switch par foyer. Ouais. Puis, alors, c'est pas incompatible avec ça, parce que quand tu vois que tu dois utiliser la Switch qui te sert de pédale, tu sais, t'appuies dessus avec le pied, avec ton carton, tu, pour peu que tu la plies en deux, la console, bah ouais, tu vas en avoir. Mais c'est vrai que ça aussi, même, même le truc de piano, là, glisser ma console comme ça dans le truc en carton, moi je suis pas bien là. Avec le pied dessus, quoi. Mais jamais, non, mais après, sur ma Switch, que Nintendo a quand même fait son truc et ça, ils savent quand même ce qu'ils font, mais moi ça m'étonne pas d'eux. On peut dire qu'ils font pas du jeu vidéo, mais en même temps, Nintendo, ça fait combien d'années? Mais c'est pas un reproche, c'est pas du jeu. Mais toi, non, mais y a, moi, j'ai vu passer des gens qui disaient on veut un jeu vidéo pur, on comprend pas. Eh, mais réveillez-vous, Nintendo, ils ont toujours fait ça. Oui, oui, d'accord. Juste qu'ils ont recyclé. Ils l'ont déjà, le truc en carton, ils l'ont déjà fait avec un autre jeu où tu devais mettre ta Wiimote sur un carton et que tu devais faire jouer avec des vibrations. C'est quelque chose qui existe depuis. C'est Nintendo. En fait, quand on soit pas client, je comprends. Mais ils font du Nintendo, quoi. Finalement, moi, ce qui me fait peur, et je l'ai déjà dit, c'est que les logiciels vendus soient pas amusants plus de 5 minutes et qu'on se retrouve encore avec leur éternel motion gaming qui marche quand il en a envie. Moi, c'est ça qui me fait peur, effectivement, et tu as raison de souligner. Est-ce que ça va être un pur gadget cher? Mais où il y aura vraiment ça, quelque chose. Ah, bah ça va être ça. Là, faut pas... Mais de toute façon, ça se présente pas autrement. Ah, okay. Oui, mais c'est dommage. Après, honnêtement. Quand j'ai vu le truc passer, je me suis dit, c'est le retour de Pete Gadget sans les BD et c'est sorti du côté capitalisme. C'est pas le Parti communiste qui édite le truc. Oui, non, mais oui, mais c'est ça, c'est voilà. Pas riche. C'est voilà, on te sort après, un truc, mais après, je dis ça, mais est-ce que le truc que j'y vois aucun intérêt, je sais pas, étant donné que pour le peu que j'ai vu, ça m'a pas enthousiasmé. Je préfère, c'est un peu comme Pelle, je préfère pas trop me prononcer. Mérovingien, il dit dans le chat la durée de vie du jeu, effectivement, c'est exactement ce que j'allais dire. D'un point de vue durée de vie, on ne sait pas. Comment le carton plié, machin, va supporter les outrages du temps et les outrages des gamins qui vont manipuler. C'est vrai, mais ça. Par contre, niveau durée de vie, on sait très bien, ça va être Wii Sport le truc. Hein. Faut pas. Ouais, ça bah après, c'est comme d'habitude. Hein. Ça, voilà. Et au résultat, on mais aura je vous rappelle que la cible, c'est quand même les gamins de 8 ans qui peuvent regarder 50 fois. Ouais. Qui peuvent regarder 50 fois même épisode de Pokémon sans se lasser. Je sais exactement de quoi tu parles, Beyond aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc c'est ça la cible. Hein. Donc, de toute façon, ouais. Voilà. C'est pas nous la cible, clairement pas. Pas du tout. Pas du tout. Ce que je voudrais rajouter, c'est que quand j'ai évoqué Pif Gadget, je voulais parler de la maquette. Du truc que finalement tu finis par assembler n'importe comment et que tu foires et que tu dois aller racheter un autre truc au magasin. Ouais, ça va pas être 10 ou 20 balles. Non, par contre, ce que j'ai lu, c'est que Nintendo était prêt à fournir des cartons de remplacement, mais gratuits. Ah, je sais pas, tu vois ça. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. L'autre chose qu'ils vont faire, ils l'ont dit, c'est contre leur. De manière payante, même si bon, ça va se retrouver facilement, ils vont fournir des patrons, apparemment. Ouais. Ouais, mais après au niveau des patrons, tu sais très bien que le côté Tipeee à cage. Oui. Bah alors justement, à ce moment-là, plus personne n'achètera les trucs après. Oui, mais surtout le logiciel pour le lancer est toujours payant. Il sera pas disponible. L'autre truc qu'on va aussi voir, enfin, c'est que malgré tout, Nintendo a proposé des prix de lancement. On a déjà des offres sur Amazon, prix inférieur, sur Amazon ou la Fnac. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est amené à bouger. Si jamais ça marche pas, s'ils voient que les gens estiment que ce tarif est trop élevé, soit ils abandonnent l'idée, mais ils peuvent aussi ajuster le tarif. Enfin, il peut se passer plein de choses. Bien malin quand même, je pense que ça dira ce qui va se passer. Ah oui, mais exactement. Franchement là, je pense que un an après, on n'aurait jamais pu imaginer que la Switch se vende autant qu'elle s'est vendue. Oui, c'est juste fou ce qui est en train de se passer avec la Switch quand même. Non, mais après, moi je pense qu'ils sont intelligents. Nintendo, ils savent où taper et voilà, ils savent. Leurs investisseurs sont contents, quoi. Après, moi je suis pas quelqu'un qui aime ça, donc c'est pas pour moi, mais effectivement pour les gamins. Ah non, mais je te dis, la cible c'est clairement le gamin de 8 ans qui va, il va avoir des étoiles plein les yeux avec ses conneries et il serait capable, le gamin, comme je dis, même si le jeu il dure 10 minutes. Bah, il y rejouera toute la journée, c'est là-dessus. Après, Nintendo, est-ce que ça va se produire, je sais pas, mais c'est ça la cible, quoi. Moi je vois le truc, en fait, C'est surtout dans la construction le plus intéressant. Et la construction, moi c'est en fait moi c'est la construction. C'est qui la construction qui pour les gamins sera le plus intéressant. C'est peut-être pas le jeu qui sera derrière qui va les ambiancer. Moi ce qui m'intéresse c'est la construction et voir comment ils ont fait pour que ça interagisse avec les Joy-Con et que ça marche et tout. Moi c'est un côté complètement différent. Mais... Oui non mais toi oui parce que toi tu veux voir comment ça marche. C'est banal mais... quoi. Mais aussi, la chose qui fait que la raison pour laquelle on parle autant de ce Nintendo Labo, c'est aussi un autre détail, c'est que en vrai, c'est la seule vraie nouveauté que Nintendo nous propose pendant les 6 premiers mois de l'année. Oui. Ouais. Je parle, parce que le début d'année chez Nintendo, il est pas foufou en termes de nouveautés. Et je sais pas, un nouveau Kirby, pour moi, c'est pas une super nouveauté. Bah surtout que c'est pas un Kirby, si j'ai bien compris. C'est pas un vrai Kirby, si. Ouais, je sais pas. Alors j'ai pas suivi, donc je sors. Je crois que c'est un peu Kirby et ses potes dans le délire, non ouais. C'est ça, ouais. Mais le Yoshi sort en début d'année, non? Voilà, en attendant un nouveau Yoshi, bah, ils n'allons pas reparler dans un Nintendo Mini. Oui, il n'y a pas de date effectuée pour le Yoshi. Ouais. Enfin, par contre, du point de vue des sorties chez Nintendo, on aura quand même. Alors, au premier semestre, je crois, on a quand même Bayonetta 3. Il est prévu premier semestre, non? Il est prévu, mais pareil, Mario 3, on n'a pas vu quoi que ce soit. Oui, mais on a... D'abord, il faut qu'ils nous vendent le remake du 2. Oui, ça, oui. Mais bon, je comptais pas ça comme nouveauté, moi. Mais, Oui. Et on disait aussi tout à l'heure, c'est que la Switch, on n'avait personne à l'anticiper le fait qu'elle se vende très bien, c'est vrai. Et même les jeux, d'un point de vue de l'occasion, même le titre le moins alléchant, il reste pas plus de quelques heures, voire de quelques jours en magasin. Oui, parce qu'il n'y a pas aussi... Le choix n'est pas foufou, il faut être honnête aussi. Le choix n'est pas énorme. Mais... Donc les gens achètent. Les gens achètent parce qu'ils ont leur console. Il faut qu'il y ait de la preuve. Après, je vois ce que Mérovingien dans le chat. Nintendo, ils n'ont jamais été connus pour brader le prix de leur console. Exactement. Oui, c'est Nintendo, le prix de leur jeu non plus. Tu prends des jeux Nintendo, ils sont toujours aussi chers maintenant. Sauf quand ils font leur player choice. Chez Nintendo, quand leur console se vend bien et que ça marche très bien, ils te sortent une nouvelle version de la console en fin de vie du truc. Voilà. Comment Nintendo, comment elle s'appelle le modèle que tu as, moi, je me souviens jamais. Famicom Junior. Oui, la Famicom Junior. Ouais. Réduit. Ah ouais. Bah, la seule fois où ils ont revu les prix à la baisse, c'est avec la 3DS, mais parce qu'ils avaient foiré leur lancement. Ouais. Voilà, donc tu vois, mais en vergine, ce que tu dis, bah, Nintendo quand même, oui, avec le lancement de la 3DS, ils ont retourné leur baisse. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'effectivement, la console là, avait fait un four. Mais regarde, ils ont baissé un minimum. Et on se souvient aussi de ce qui s'est passé avec la GameCube. Mmh. Où Nintendo a accepté. Donc, la stratégie Nintendo, elle n'est pas si évidente. C'est-à-dire, ça peut arriver. Mais oui, la Wii U, c'est un accident. C'est de ne pas vouloir la baisser. Mais d'un autre côté, oui, le parc de Switch est tellement énorme aujourd'hui et ne fait que grandir à une vitesse assez incroyable. Ils n'ont pas besoin de baisser les prix. Là, je regarde dans la strat de Nintendo, c'est février, effectivement, les remakes de Bayonetta, enfin les portages 1 et 2. Mars, le Kirby. Avril, Nintendo Labo. Mai, Donkey Kong Tropical Freeze. Mais je regarde, il y a des sorties d'éditeurs tiers aussi à côté ouais, de ça. Ouais, mais alors justement, c'est les bons titres, mais ça, c'est pas des killer apps de nouveaux venus. Hein. Elle fera pas les ventes 2018, elle fera pas les ventes de 2017 avec ce qui sort là. Hein. C'est pas Mario, c'est pas Zelda. Hein. Moi, je pense ouais, pas. Non, mais tu vois, là, je vois Hyrule Warriors après au mois de juin. Que... Mario Tennis Ace, on sait pas trop. Juste ce qui se passe avec la Switch, il faut pas. Galgun 2, hein, petite pelle aussi. Les gens qui vont venir à la Switch maintenant, c'est pas des gens qui vont attendre une sortie de gros jeux. Là, on est dans un point mais où c'est pas la majorité des joueurs. C'est le bouche à oreille qui va. Mais on s'en fout des joueurs. Je suis d'accord. Là, c'est les gamins les plus fortunés ou les parents les plus avisés ont eu une des Switch pour Noël parce que tout le monde en parle. Les copains vont venir chez eux, ils vont voir la Switch. Ils vont avoir envie d'en avoir une chez eux avec Mario Kart. Et c'est ça là qui est en train de se passer. C'est Nintendo est dans une très bonne dynamique. Hein. Oui, je suis d'accord, mais moi je pense que ça s'est pas passé comme ça. Moi je pense que la première. Parce que les joueurs qui veulent jouer, ils s'en foutent. Hein. Nous, on l'a déjà la Switch avec Mario et Zelda, on y joue depuis un an, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, ouais. On n'a pas attendu N'oubliez pas, les pubs ont très très bien fait leur travail. C'était des pubs pour Mario, justement. Ouais. Non, mais même pas que ça. Splatoon 2. De quoi, la Switch, il y a un truc aussi, c'est les jeux indés. Hein. Il y en aura plein qui vont sortir dessus. Oui. Sur nos consoles aussi, mais là vraiment la Switch s'y prête tellement bien quoi. Enfin, bon, je crois qu'on s'égare un peu du sujet quand même. Mais mon vergien il dit que la Switch c'est fait pour les enfants, je suis pas d'accord. Ma fille de 5 ans préfère jouer à la manette pro qu'avec les Joy-Con. Pour te donner alors une que idée. Mes neveux, eux, les Joy-Con, ils sont contents. Ils sont contents, mais après ils jouent à Mario Kart, ils ont le volant, tu sais, ils ont le volant, ouais. Tu leur donnes le volant, eux ils sont comme des dingues. Après, on sait très bien pourquoi Nintendo a fait ça. On est conscient qu'ils ont fait ça pour que les gens achètent la manette. Oui. Et ça a marché, parce qu'effectivement, en tant qu'adulte, on peut pas jouer avec ça. Donc. Oui, juste les expectations Switch de l'année, on n'en a pas parlé, mais il y a un petit jeu indé qui sort en exclusivité sur Switch cette année que j'attends. Je crois que j'en ai jamais parlé ici, non. C'est Beat Trip Runner 3. On n'en a jamais parlé. Pas du tout. D'ailleurs, Mosaic Man ne joue jamais à ce jeu. C'est clair. Ouais. Bref. J'avais ouvert une page dans mon navigateur avec les trucs 2018 et il y avait Beat Trip. Monsieur Chou, t'aimes bien Beat Trip. Hein. Ouais, j'aime bien. Bon, après, je sais que j'ai galéré à le terminer, je vais m'énerver dessus, mais j'aime bien. Moi, je suis tellement je piaffe d'impatience. Voilà. Oui, moi, c'est un jeu auquel je peux pas jouer, moi. Donc. J'aime tellement. Je piaffe. C'est prévu pour mars le jeu, je crois, non ? Oui, alors le problème, c'est que c'était prévu pour octobre dernier, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ils font le jeu au fur et à mesure. Apparemment, c'est bien parti. Mais sur la date de sortie, on va attendre un peu. Voilà. C'est prévu en début d'année, premier trimestre. Il faut peut-être avertir les gens que s'ils sont épileptiques, qu'il ne faut pas qu'ils jouent à ce jeu. Ouais. Parce que moi, j'en suis mort. J'ai pas joué, j'ai juste regardé. Il y a un jeu Switch annoncé. Bon, Bayonetta 3, hein, moi j'attends. Mais il y a un autre jeu Switch. Je sais pas s'il est annoncé pour 2018, mais Metroid Prime 4. Metroid Prime 4, ça devrait être le gros jeu de la fin de l'année. Pour moi, c'est leur jeu Killer App de Noël, quoi. Enfin, oui. Je pense. Oui, totalement, oui. Après, donc... Killer App, oui et non, quand on voit le peu de ventes que font les Metroid à chaque fois. Ouais, mais ça reste... C'est compliqué, c'est particulier. C'est le jeu de Steam, hein, les Metroid, hein. C'est le oui, jeu... Oui, totalement, ouais. Est-ce qu'il va faire vendre les consoles? Ben non, parce que ça n'a jamais fait des ventes cette année. Alors tout le monde aime la licence, c'est bizarre. Hein. Après, ça reste quand même le jeu important. Nous, les joueurs qui avons déjà une Switch et qui l'attendons, on va l'acheter. C'est un jeu qui se rachète. Ah, puis surtout que moi, honnêtement, de ce que j'en ai vu, c'est Day One. Hein. Ah, le logo il est magnifique. La profondeur du noir alors qu'on est pas HDR. Mais franchement, je. Et puis, en plus, je rigole, hein, mais j'ai vu écrit Metroid Prime 4, j'ai rien vu, j'ai fait Day One. C'est pas possible d'être fanboy à ce point-là d'une licence. Tout le monde aime ça. Tout le monde le veut, mais personne l'achète. Mais c'est toujours comme ça. Et Sony, c'est des connards, ils présentent Shenmue 3, ils montrent rien du jeu, ouais, les enfoirés. 2 ans après, putain, un grand titre de Metroid. Oui, non, mais après, parce que ce jeu a une aura. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Quoi, c'est pareil, le quand on a vu Metroid Other M, hein, c'était pareil. Hein. Ah ouais, oh, putain. Et juste, il reste une autre carte à jouer, un peu plus grand public, on va dire, pour Nintendo, un peu plus vendeur de consoles directement. Ils n'ont toujours pas bougé, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire, mais ça va arriver. On va parler de Smash Bros. À un moment. J'ai peur qu'ils nous fassent le portage de la version. Est-ce qu'ils vont faire un portage? Est-ce qu'ils vont faire un nouveau? Non, je ne sais pas si c'était prévu, mais ils n'en ont jamais parlé. Après, encore une fois, Nintendo, ils ont un jeu complet avec plein de DLC qu'ils peuvent tous mettre en disant « Regardez, c'est le jeu avec les DLC ». C'est ça. Ils ont la série des Amiibo qui est complète, qui est prête à être à repartir dans les usines dès que c'est possible. Pourquoi pas, hein? Ah, mais ils seraient bêtes de ne pas le faire. Ils ont fait ça pour quasiment tout leur jeu. Du moins pour une partie de leur jeu. Le truc le plus évident, ça serait effectivement de le ressortir lui. Parce que lui, il est bien. Il est vraiment très très bon, le Smash Bros. De la Wii U. Après, dans l'absolu, je préfère un autre épisode. Mais, mais dans la continuité de ce qu'ils ont fait, ça ne serait pas déconnant qu'ils sortent. Sur Twitch, en plus. Imagine, on va être obligé de racheter tous les Amiibo parce qu'il va y avoir le petit logo rouge en bas à gauche alors qu'il est blanc. Pour ceux qui aiment les Amiibo, oui, pour moi, non. Ouais. En plus, moi, je ne rachèterai pas parce que j'ai déjà la version Switch. Ou sinon, la version Wii U, et j'ai déjà mal de voir tout ce qui ressort. Sinon, pour tes Amiibo, tu arrêtes de faire le con, tu les enlèves de ces putains de boîtes qui servent à rien, et tu n'as pas de problème. Exactement. Il a raison, monsieur. On m'a fait une réponse encore pire récemment. On m'a dit, moi, j'arrête d'acheter les Amiibo, maintenant, j'ai une... une petite puce NFC programmée maison et ça fait la même chose. J'achète les Tokako machin là de Sony là. Comment ça s'appelle leur truc là? Les amiibo Sony là qui vont sortir là. Ah ouais, c'est pas des amiibo, c'est même pas officiel. Mais Rovingiens, ils le feront jamais ça. Vu comment la console elle se vend, c'est pas prêt d'avoir ça. Surtout, je comprends toujours pas c'est quoi ces Joy-Con pour mains d'adultes, hein, parce que j'ai des mains d'adultes et j'utilise une manette pro parce que les Joy-Con c'est de la merde et point. Et dans le train, les Joy-Con. Non, je troll, mais dans le train, les Joy-Con ça marche. Hein, je joue au Mario Galaxy, y a pas de. Mario Odyssey. Moi je peux pas jouer avec les Joy-Con. J'y arrive pas. C'est vraiment trop petit pour moi, quoi. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Ah, après, oui, il faut acheter. T'achètes la Switch, il faut acheter la manette pro. C'est petit, ça sent en plus, mais pas le choix. Certes, c'est petit d'un point de vue ergonomie. Entre les Joy-Con ou la 3DS XL, ben écoute, moi, mon choix est vite fait. La 3DS XL, elle me pète les doigts, mais sans rire. Je joue 5 minutes, j'ai des fourmis dans les deux pouces. Alors, pour les jeux où il faut utiliser les boutons LR, je te raconte même pas, c'est même pas la peine. Oui, je suis d'accord, c'est pas le truc le plus optimal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour une fois qu'ils ont sorti un truc qui est pas trop fin et sur lequel tu te pètes pas les doigts, ça fait penser dans les Simpsons, il y avait Willy qui avait de l'arthrite dans ses pouces parce qu'il avait trop joué à Space Invaders. Quand je joue à 3DS XL, c'est ça, quoi. J'ai vraiment mal aux mains. Ils ne feront pas Mérovingère, la console, elle se vend tellement bien. Oui. Non, mais ils le feront peut-être, c'est pas le problème, mais ça fera un truc bizarre parce que c'est censé être une console portable et elle n'est pas très portable, je trouve. Mais c'est ça. Donc je pense pas qu'ils le fassent. Et puis les gens achètent la manette. Même si la manette est chère, les gens l'achètent. Ils vont pas se prendre la tête. La console, elle leur plaît comme ça. Fury, arrête tes conneries. Ouais, Fury, il a jamais joué avec la PSP Go. Même la PSP normale, hein. Arrêtez. Laquelle la tank? Arrêtez vos conneries, monsieur. La modèle où tu pouvais tuer quelqu'un avec. Mais bon, bref. Tu l'es tombé dans la partie, c'était la voiture qui explose, quoi. C'est ça. Méchant Fury, méchant. Mais non, ouais. En tout cas, ouais, c'est vrai que pour l'instant, d'annoncer chez Nintendo, il n'y a pas de truc. Console seller, quoi, on va dire. Alors que sur PS4, là, on en a cité toute une ribambelle où ça balance. Étant donné qu'il y a énormément de remakes et de portages qui ont été annoncés, des jeux comme Doom et tout machin. Le truc, c'est que la Switch et la PS4 en sont pas du tout au même niveau, que ce soit d'années d'existence ou en temps de vie. Et c'est pas le même public. Non, mais la PS4 aujourd'hui, en gros, on sait qu'elle s'est vendue, et donc les éditeurs ont travaillé, et les jeux arrivent. La Switch, on est au moment où tout le monde fait « Oh putain, ça marche, vite, mettons des jeux en route ». Donc c'est vrai que je pense qu'on verra plutôt l'année prochaine. C'est quel éditeur qui s'est dit qu'il savait pas que ça allait marcher comme ça, et que maintenant qu'il réfléchissait? Un gros éditeur en plus. Après tous, en fait. À peu près tous, hein. Il a sorti un truc de ce style-là. C'est pas que ça se vendait autant, maintenant on va faire des jeux. Peut-être même Ubisoft aussi, je crois, ils se sont dit non, ça. Non, Ubi, apparemment, j'étais présenté le lancement. Ouais, non, mais Ubi, ils sont toujours présents dès le lancement, c'est après que ça se gâte. Voilà. C'est après qu'ils arrêtent. Ubi, ils sont là le Day One, après, bon, c'est généralement les premiers à retirer, quoi. Ah, ils étaient pas là Day One sur la Switch, là. Par contre, ils avaient eu le projet de Nintendo. Ils avaient fait le portage Assassin's Creed 3. Sur Wii U. Sur Wii U. Oui, je parlais de la Switch. Sur Wii U, La Switch, oui, Mario l'a pas crétin. Il y avait Mario, mais après, ils n'ont pas sorti leur licence à eux, tu vois. Il y avait pas le Just Dance aussi Oui. Just Dance, comme ça. Just Dance, Just Dance, totalement, ouais. Donc, ils sont toujours là, après, ils voient que si ça marche, après, ils s'en vont. Bon, là, je pense qu'ils en restaient. On verra. Mais sinon. Oui. Moi, je voudrais parler d'un petit jeu, parce que souvent, on a parlé PS4, Switch, machin. Oui, il y a la Rayman Definitive Collection sur Switch. Ah bon ? Oui, comme t'as raison. Ouais. Oui, il le ressort encore. Ok. Mais... exact, ouais. Ah, raison, je voulais parler de... Ori 2. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah ouais, parce que ça, c'est PC Xbox One, et ce jeu-là... c'est pour 2018, ça ? Et il me semble qu'il a été annoncé pour 2018. Ah bon ouais. Et oui, ça va être bien. Putain, c'est le jeu de couteau, ça. C'est le jeu de couteau aztèque. Ça, je l'attends. Le premier, c'était une merveille. Voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Ori and the Blind Forest. Aucun problème. Avec un peu de chance, il y aura peut-être Dead Cells sur Switch, étant donné qu'ils ont annoncé sur PS4. Non, mais Dead Cells sur Switch, c'est annoncé. Hein. C'est annoncé parce que moi, j'ai vu que la version PS4, que j'attends avec impatience, tellement d'impatience. Bah, c'est annoncé aujourd'hui. En gros, ils ont sur dit qu'il sort sur console. Et ils ont dit voilà. Xbox One, Switch, PC. Non, PS4. Mais c'est très bien pour la Switch parce que Dead Cell. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'achèterai Day One quand il sortira sur PS4. Mm-hmm. Oui, Dead Cell, c'est bien. Cool. Mm-hmm. Est-ce qu'on a fini? Ouais, bah, disons qu'on a fait le tour de Xbox One. Là. Oh, oh. Bah, y a non, c'est vrai, sur Xbox One. C'est pas vrai, en plus, il y a la bêta fermée de Sea of Thieves qui est en cours, là. Ouais, bêta qui ne fonctionne pas, parce que... qui marche pas, oui. Juste pour info, je regarde assez peu la JVTV et le launch play, j'ai regardé à midi, et ça a été la catastrophe. Voilà, bon, ça a été... moi j'ai eu plus de chance, j'ai pu voir un streamer y jouer ce matin, tôt plus tôt. Voilà. Alors, donc c'est un peu compliqué, ouais. J'ai pu voir un petit streamer que vous connaissez pas qui s'appelle Shroud qui jouait ce matin. Ah, il a lâché PUBG, ça y est ? Bah, il a fait la bêta, il fait partie des gens qui peuvent faire la bêta fermée, donc il fallait qu'il le montre, quoi. Voilà. Ah bon ? Oh, quelqu'un l'a laissé. Oh, il a eu de la chance, dis donc. Je ne m'y attendais pas du tout qu'il avait des OPSP, ce monsieur. Oh là là. Et mais reviens, ça suffit. Arrête avec ton venin. Ah oui, surtout que c'est toujours la même cartouche qui nous tire, hein, donc bon, voilà. Mais Sea of Thieves, c'est le jeu, j'ai l'impression, qui a été pensé taillé pour les streamers, les OPSP, enfin voilà. Comme beaucoup de jeux de maintenant, tu sais. Jeux communautaires, machin, pourquoi pas, mais il y avait Crackdown 3 qui m'avait tenté un moment, puis quand ils ont dit que le solo, en fait, on n'aurait pas l'aspect tout destructible et tout, j'ai fait bah non, merci, j'ai pas envie. Pardon, mais Crackdown 3, je crois que plus personne ne l'attend maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Et Terry Crews ne pourra pas le sauver. Hein. Oui, ouais, c'est pourtant il est gentil. Enfin, il est gentil. Oui, il est charismatique, ce monsieur, mais. Et il sauvera pas. Qu'est-ce qu'il y a sur. Alors, bon, c'est One PC, bien sûr, maintenant, quand on parle de Xbox, c'est aussi PC. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Bah, je sais pas, en fait, après, ils ont pas. Quantum Break 2 ? Ils ont pas annoncé de grosses cartouches, Microsoft, en fait, en termes de sortie. Quasiment. Bah non, c'était ça leur grosse carrière. C'est compliqué pour la One X, hein. C'est très très très compliqué. Mais à mon avis, ils vont avoir un Halo sous le coude, non ? Certainement, bah oui, oui. Après, c'était toujours compliqué, là on voit ce qui a été annoncé. Il y a toujours des machins qui finissent par sortir de derrière les fagots. Bien sûr, oui. Mais enfin, si, Microsoft Studios, si, quand même. Il y a quand même Ori 2, donc on en a déjà parlé. Et pour moi, ça, c'est une grosse exclu. Hein. Pour moi, c'est vraiment une exclu. Ouais, forte, mais ça. C'est pas suffisant par rapport à l'Armada qui arrive, quoi. Oui, comme voilà. En début 2007, qui aurait pu prédire que Cuphead allait sortir et que ça allait aussi bien marcher ? Oui, totalement, ouais. Non, voilà. Cuphead. C'est un exemple parmi tant d'autres. Juste pour dire, enfin, par rapport à. Je parle également de dynamique globale. Microsoft, ils sont quand même dans une position très compliqué au niveau des marchés des consoles à l'heure actuelle. Bah oui. C'est pas voilà. Bah, la semaine dernière, on a eu les ventes pour 2017. Donc là, la console la plus vendue de l'année, c'était la PS4. Ensuite, je crois que c'était la Switch. Hein, il me semble. Non, c'est la Switch. Bah la Switch a dépassé le... Ils en sont en première. Hein. Ils ont dépensé les ventes de Wii U. Non ah oui oui. Voilà. Ah oui oui, la Switch a dépassé largement les ventes de Wii U. Ouais. Ah bah oui, la Switch. Un an, même pas un an, et bim, déjà. Donc, non, c'est la One, c'est pas facile, quoi. Bah ouais, mais quand t'as une console qui te sort des jeux qui sont pas exclusifs à la console, mais qui sortent aussi sur PC. Mais on va sur... Et sur PS4. Et sur PS4 en plus, ouais. Et sur Switch, même, certains. Wolfenstein 2, on va le retrouver sur Switch. Oh, c'est une bêtise. Mais c'est vrai, en plus. Sur la première année de commercialisation de la Switch, oui, soit dit en passant, la Switch a déjà battu les records de la PS2 et de la Wii, un peu partout. En plus, ouais. Non, d'accord. Sur les premières années de commercialisation, oui, on est sur des chiffres. Mais c'est ça qui est d'autant plus étonnant, parce que on sait que les premières années, c'est pas les années où il y a le meilleur jeu. Bah, PS2, on s'en rappelle très très bien. Et surtout, c'est rigolo, parce que la PS2, la Wii, la gimmick de la console... c'était justement d'avoir un truc en plus, et là la gimmick de la console, de la Switch, c'est justement la Switch en elle-même, quoi. Ouais, mais pas partout dans le monde, hein, pour la Switch, hein, faut relativiser, c'était au Japon, en Italie, et en Angleterre, mais pas ailleurs. Hein. Ouais, sauf que là, on a pas encore fini la première année. Là. Ah bah oui. Ah ouais, non, mais rien que déjà, voilà. Même pas la première année finie, quand tu vois ce qu'ils ont vendu. Ah bah oui. Avec, après, je dis pas que le catalogue est médiocre. T'as un Mario, t'as un Zelda. Non. Première année. Voilà, t'as un Mario, t'as un Zelda, t'as aussi un Mario Kart. Ou... Voilà, donc à partir de là, quand même. Nintendo a bien joué son coup, oui, parce que sortir coup sur coup un Zelda et un Mario de cette qualité-là. Voilà. Après, on pourrait toujours dire que le Zelda était sur Wii U, mais objectivement, ils ont quand même leur Zelda sur la nouvelle console. Oui. Ouais, puis ils ont tenté des trucs, hein. T'as comme du Splatoon 2, du Arms. Enfin, moi je regarde, là, je tourne la tête, là. En fait, j'ai plein de jeux sur Switch, c'est un peu bizarre, là. Je sais pas d'où ça sort tout ça. t'as le Xenoblade 2, t'as. Enfin, là, tu vois. T'as Street T'as Street 2 Ouais. Non, non, mais c'est mon bonheur. Mais non, mais il s'est vendu quand même. Non, mais il s'est vendu quand même. Il s'est vendu le jeu. Oui, bah oui, bah oui. Des gens, non mais attends, c'est quel ils jeu ont dû être contents en vrai quand ils ont annoncé la, quand ils ont annoncé la, la compile Street Fighter. Ceux qui ont acheté Street 2, ils devaient être super contents. Ouais, non, mais ça c'est propre à Capcom. Hein. C'est ah putain. Non, mais après, regardez Xenoverse, le nombre de ventes qu'il a fait sur Switch. Ouais. Totalement hallucinant quoi. Mais donc bon, les jeux se vendent sur Switch, hein, qu'on veuille. Hein, qu'on... Ouais, mais c'est pareil quand je parle des jeux indés, mais c'est parce que pour moi la console était pour, mais t'as les développeurs indés, ils disent mais on a vendu plus de jeux sur Switch que sur toutes plateformes confondues, Steam compris. La, la console fait vendre des jeux. Que ce ouais, que soit passé avec Wonder Boy, ah, ou ouais, que ce ouais. soit avec bah, Meat Boy qui disent qu'ils ont vendu... Ouais, en fait, c'est le côté nomade hein, qui fait. Oui, même les jeux Neo Geo, je crois qu'ils sont plus vendus sur la Switch que sur la Neo Geo, du coup. Mais ça, c'est parce que personne n'avait Neo Geo, je pense. Mais Rovingien, les précommandes de jeux un an à l'avance, c'est comme ça pour quasiment tous les studios maintenant. C'est pas propre à Nintendo ou même à Far Cry. Hein. Maintenant, chaque gros jeu, tu peux le précommander largement en avance. Ah oui. C'est comme ça quasiment tout le temps maintenant. Hein. Ah bah totalement. Bah par exemple, là, on parlait de Ni no Kuni tout à l'heure, ma préco, voilà. Regardez, elle date d'août. Juste, non, juste une petite 2017. Parenthèse. Il est en train de parler de Far Cry 5 pour parler des préco, rappelez avance. Juste pour la fin de l'année, je tiens à dire, parce qu'au cas où les gens n'auraient pas encore remarqué, c'est la première année depuis fort longtemps où Ubisoft n'a promis ni d'Assassin's Creed ni de Watch Dogs. Mm. Après, je suis d'accord avec toi, le système de commander un truc un an avant, ouais, c'est nul, mais c'est devenu la norme maintenant. C'est quand même devenu la norme. Après, le truc, c'est qu'effectivement, tu sais que si tu précommandes pas ton collector, sur certains trucs, tu l'auras jamais, parce que... Bah oui, ouais, mais c'est à double tranchant, parce qu'il y a des collectors que tu peux avoir, que tu retrouves à 30 euros. Ouais, voilà. Ça fait quelques années maintenant que le nouveau gimmick, oui, c'est à l'E3, les jeux sont annoncés, et les précos doivent se faire là. Oui, les jeux qui sortent au mois d'octobre-novembre. Oui, oui, oui. Mais après, franchement, tu as des valeurs sûres. Des fois, il n'y a pas trop de risques, mais des fois... Valeurs sûres ou pas, t'as pas le temps de réfléchir, je veux dire. Par ah, là, oui. Les collecteurs sont plus disponibles deux semaines après. Le vrai truc... Et même les collecteurs les plus chers, c'est celui d'Assassin's Creed avec la super... Ouais, ouais, voilà. Voilà, quoi. On parlait tout à l'heure du Dark Souls... Oui. ...trilogie, là, pour la PS4. Il est à quoi? Presque 500 euros, il n'y en a plus. Voilà, le jeu n'est même pas sorti, on sait pas. Quoi. C'est... Donc ouais, c'est nul comme système, mais Nintendo, c'est pas les premiers à le faire. Hein. Il faut vendre de fait maintenant. Ah ouais, bah ouais. Mais là, par contre, tu dis n'importe quoi, Mérovingien, parce que justement, avec Origins, ils ont changé plein de trucs dans Assassin's Creed. Et le jeu marche très bien marché. Et je pense qu'ils ont juste compris, par contre, il fallait pas en faire un par an. Voilà. Après, Watch Dogs 2 est un excellent alors, jeu. Alors voilà, d'une part, Watch Dogs 2, c'est plutôt bien vendu. C'est un excellent jeu. Et d'autre part, je dis ça en n'étant pas fan de... Et Assassin's Creed Origins a redéfini pas mal de choses dans le jeu. Et surtout, il est bon. C'est un bon jeu. C'est un jeu, c'est important de le dire quand même, qui efface les gros problèmes techniques qu'il y avait eu avec le dernier épisode ambitieux de la série qui était Unity. Où on a quand même une volonté d'Ubisoft d'écouter les joueurs et de plus en faire un casse-tête, quitte à faire n'importe quoi. Et je dis moi je suis pas assassin, moi le 3 m'a tué, c'est vrai que j'ai arrêté d'y jouer, hein, mais vraiment. Moi j'en ai fait aucun. L'origine, c'est le C'était lequel qui était plein de bugs? C'était le 3. Le 3, le 3 est inédit. En gros, à chaque fois qu'ils ont essayé de renouveler la série, vraiment de faire de nouveaux épisodes avec le 3 et Unity, le fait de s'imposer une sortie tous les ans, ont plombé les jeux. Ils n'étaient pas prêts et ça s'est pas bien passé. Là, pour une fois, ils ont pris le temps avec Origins, ils ont donné un an de plus aux équipes et un an de plus, ça change tout. Ça fait que le jeu il est sorti, il était solide. Voilà. Et pour te dire, ça me donne envie d'y jouer, quoi. Alors que moi, j'avais arrêté les assassins. Et là, pour le coup, j'ai envie d'y jouer, et j'y jouerai certainement. Et oui, Watch Dogs 2 est un très bon jeu. Gwim, c'était Syndicate avant Origins, oui. C'est ça. Mais qui n'est pas sorti un an avant, qui est sorti 2 ans avant. Il y a eu 2 ans entre les deux. Fort bon. Ouais. Donc, sur le coup, ce qui s'annonce bien, c'est que cette année, on va jouer. c'est sûr. Non, mais totalement, ça va être une année pleine. Bah déjà, il y a le. Le dernier était déjà ouf, hein, quand même. Ça commence demain, ouais. Avec bah oui, pour moi, en fait, c'est rigolo, l'année jeux vidéo, elle commence le 26 janvier, quoi. Bah quoi, c'est vrai. On n'a pas parlé d'APS Vita. Ah, les nouveautés Vita de l'année. Bah, moi, j'ai reçu mon Axiom Verge. Bah oui. Voilà. Ça faisait des mois que je l'attendais. Et j'étais pas seul. Urgurige, si tu nous écoutes. Il y a. Ouais. Sur Switch, là, il y a. Enfin, et sur peut-être d'autres consoles d'ailleurs, mais il y a Céleste hein, qui sort aussi demain officiellement. Oui, et il est tellement attendu. Ah ouais, non, bien, franchement. Excellent. Mais il y a joué, et je crois que monsieur Zappel y a joué j'ai aujourd'hui. Vu, j'ai vu un célèbre streamer y jouer aujourd'hui. Et comment dire que. J'ai juste l'impression de voir toujours la même chose. Voilà, ça me fait toujours. J'aime la Vita. Dans les doigts et dans le gameplay, on dirait juste la même chose que si se fait en 2D version hardcore. Ouh, boubou, c'est trop dur ces 10 dernières années. Après, le jeu est joli, le jeu est bien foutu, mais j'ai juste l'impression de voir encore et toujours la même chose, c'est-à-dire un Meat Boy-like, quoi. Voilà, c'est... Ah oui, d'accord. Enfin, sauf que. Ah, j'ai pas vu. Sauf que là, t'as un level design travaillé, t'as un système de dash aérien. Oui, mais voilà, mais c'est pas. Système de récupération de saut, bah non, ouais, tu peux pas dire. Système de dash aérien, système de. L'autre, il connaît pas Megaman X, ça c'est sûr. Hein. Mais je veux dire, voilà, tu peux pas à chaque fois. Enfin, c'est comme tout à l'heure quand tu nous as sorti le Dark Souls du je sais plus quoi, là, faut arrêter. Non, mais c'est sympa, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, le jeu. Bah, c'est l'autre jeu auquel a joué ce streamer connu que je ne citerai pas récemment, qui est une espèce encore de Metroidvania 2. Iconoclast, voilà. Il a l'air bien, lui. Hein. C'est joli. C'est sympa, c'est joli, mais. J'ai rien vu, c'est mais j'ai toujours vu la même chose. Ouais, et. On en a parlé notamment cette année, parce qu'on en a parlé, il y a Guacamelee 2 qui sort cette année. Ah ouais. Lorsque Guacamelee est arrivé, il a emmené quelque chose. Il y avait Ah bah oui. Iconoclast, c'est juste l'impression de voir toujours la même chose. Ouais. C'est très joli, c'est très propre, c'est très travaillé, c'est très réussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais être intéressé de bout en bout? Après, si t'es pas le style, effectivement, ça va être plus compliqué. Non, mais ça me fait penser au. Est-ce qu'il y a besoin forcément d'une grosse originalité de gameplay pour. Parce que là, le jeu, il est réussi. Et puis, apparemment, la durée de vie, elle est énorme et tout. Ça dépend si les jeux sortent d'affilée et qu'ils sont tous à peu près les mêmes. Je peux pas dire si c'est le cas, parce que celle-là, je vois même. Après, je comprends Billon hein, quand il dit qu'il apporte pas grand-chose. C'est une évidence, quoi. Mais. Après oui, t'as toute une sorte de jeu en 2D beau et qui sortent, mais c'est parce que les gens le veulent. Après moi, ça me dérange pas. Oui, alors je dis pas qu'il y a pas de public. Moi, quelqu'un comme moi qui adore la 2D, c'est vrai. Un jeu 2D, ça me plaît toujours autant. Donc je sais pas. Voilà. Ça me fait penser, comment il s'appelle, le jeu d'Insomniac dont j'avais parlé récemment, qui était une bonne surprise, mais que j'étais aussi content de ne pas avoir payé très cher Deep Blue. Ah oui, Song of the Deep. Song of the Deep. Song of the Deep, ouais, merci. Song of the Deep, c'est ça. Song of the Deep, c'était bien, c'était agréable, mais c'est le jeu, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le jeu apporte pas de nouvelles choses. C'est un petit peu, on avait parlé aussi de Owlboy, on a l'impression qu'il était aussi oublié, aussi vite oublié qu'il. Il a été très très vite oublié, Owlboy, alors que c'est quand même un jeu qui est bien, qui est magnifique déjà, mais le jeu est bien. Après, oui, mais il y a beaucoup de sorties aussi. Il y a beaucoup de sorties dans ce style et. Après, Owlboy. T'as que Bête qui est arrivé et qui a attaqué. Owlboy, tu as un personnage qui vole quand même. En termes de gameplay, ça change mal par rapport à un jeu de plateforme classique, tu vois. D'ailleurs, All Boy sur Switch. Par contre, Cuphead, c'est totalement un contrat like pareil, qui apporte pas grand chose. Mais ça reste quand même super plaisant. Oui, mais la DA est tellement belle. Ça reste plaisant à jouer. Je sais pas parce qu'un jeu il est pas original qu'il est pas bien à jouer. Ah non, c'est. Mais c'est ce que je disais. Oui, mais après, c'est quand on a plein d'affilés qui sortent. L'autre problème, voilà, comme je vais. Ce que je disais l'autre jour, c'est que j'espère que la Switch va pas s'acheminer. Bonjour, au revoir, Romain. J'espère que la Switch ne va pas s'acheminer comme ce qui s'est passé sur la DS. C'est-à-dire que tout le monde va s'engouffrer dessus, voyant les ventes, et qu'on va juste arriver à une saturation complète du marché d'ici un an ou deux, où les jeux vont sortir les uns après les autres dans l'indifférence la plus totale, et où de bons jeux vont se faire asphyxier à cause d'un marché qui est ultra saturé. C'est possible, c'est ce qui se passe avec Steam. Oui, ce qui se passe avec Steam, qu'on risque de retrouver sur Switch, où on a vu donc sur la fin de vie de la DS des jeux par exemple Solato Robo, pour parler que de lui, ou ce jeu de détective de Capcom qui était vachement Ghost bien. Trick. Ghost Trick. C'est ça, Ghost Trick, qui sont passés totalement inaperçus, alors que ce sont des bijoux. Oui, total, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et j'espère qu'on s'achemine pas vers ça sur la Switch, hein. Mais j'ai peur que malheureusement ça commence à... Ah bah oui, mais elle se vend, donc effectivement les gens vont y aller. C'est ce qu'on disait, les gens ils voulaient pas y aller parce qu'ils disaient ouais Nintendo ils vont dans le mur et tout, ils ont vu la première année, bien sûr que tout le monde va les développer, et quand tu vois les jeux, comment ils se vendent, qui ne voudrait pas y aller? T'es développeur, tu vois que ça se vend, bah tu fonces quoi, c'est normal. Bah ouais. Bah oui. Bah oui. Je pense qu'on a épuisé. Oui, je pense qu'on a. Dieu. Voilà, les sorties de jeu, je pense qu'on va pouvoir. Ah, mais non, c'est fini. J'avais peur. Au revoir, Fanny. On est incorrigible. Comment on a fait? Alors, non, mais c'est bien, ça fait. Bah, non, ça fait on devait parler des jeux qu'on attendait et on parlait plein de jeux qu'on n'attendait pas, on se remet en jambe, c'est le premier podcast de l'année, tout va bien. En plus, on a le deuxième sujet qu'on n'a pas traité, qui, sur le coup, rien ne se perd, tout se recycle pour la prochaine fois. Voilà. Il est tout prêt, c'est cool. Il est tout chaud. On va le mettre, on va le mettre au frigo. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses en même temps. Mais c'est sujet, important, c'était intéressant en plus. Ça permet de faire le point du jeu 2018, c'est bien. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on va tous jouer beaucoup. Ah oui. Ça va être une année pleine. Oui. À part sur One. Au revoir. Ah, oui et non, parce qu'en fait. Il y a beaucoup de jeux. C'était du trop. Mais non, attends, moi, non, parce que vu que en fait, je comptais finir là-dessus et couper le podcast, et vu que tu m'as piqué mon truc, du coup, je suis obligé d'aller contre ton sens, par esprit de contradiction. Mais sur One, il y a des jeux qui sortent aussi, les mêmes bien que sûr. Sur PS4. C'est juste que sur PS4, il y a en plus des exclus, voilà, c'est tout. C'est ça. Et moi, je connais des gens qui vont jouer sur. Commodore 64, n'oubliez jamais. Oui, aussi, ouais, mais si vous avez une One, vous allez vous amuser aussi, je veux dire, c'est pas un problème. Voilà. C'est pas grave. Et puis, il y a le rétro gaming, toujours. Ah, surtout le rétro gaming. Et voilà. comme dit Fury, achetez Yakuza 6. Mais c'est Fury qui l'a dit, c'est pas moi. Achetez Yakuza 6. Est-ce qu'on a fini? Oui, ouais, je pense que c'est bien là. Oui. Il est l'heure de se coucher. Ou de jouer. Non, il faut se coucher. Demain, il faut être en forme pour aller chercher notre exemplaire de Monster World. Ah oui, c'est vrai. Moi, non. Moi, effectivement, non. Demain, c'est la bagarre. Demain, ouais, c'est... Ce serait bien de mettre les sujets abordés ligne par ligne dans l'image du stream. Ouais. Sauf que, sur le coup, on les fait pas. Sauf que si, pour une fois, on n'a pas le temps de parler de sujet... C'est vrai. Voilà. On voit pas qui c'est qui parle. Voilà. Alors, celui qui a l'accent du Sud, c'est moi. C'est pas compliqué. Celui qui parle de slip assez régulièrement, c'est moi, Boss D. Celui qui tousse, c'est moi. Celui qui parle bien, c'est moi. Bah après, moi, j'ai un retour sur mon téléphone et avec une image toute petite et je vois... C'est pas... Donc celui qui râle tout le temps, c'est moi. Ouais. Et oui, je peux mettre plus grand, ça c'est pas grave. Bah non, parce que c'est vrai, en fait, j'ai oublié, on s'est même pas présenté au début du podcast. Ouais, voilà, refaire les présentations comme au début. Je mettais des flics, des phrases choc, c'était très drôle. Des phrases choc. On refait plus ça, je promis, on le fera la prochaine fois. On écrira chacun une petite vacherie sur l'autre, ce sera très bien. Oui, aucun problème, j'ai de quoi faire. Ah ouais, mais je me doute. Donc bah des bisous alors. Ouais, bah sur le coup, bonne nuit. Petite pensée, un gros bisou à Colette qui doit avoir fini sa soirée. Oui. Qui est pas avec nous parce qu'elle travaille. Voilà. Et qu'on espère avoir très très vite. Et sur le coup, bon vent les gens, à bientôt. Merci d'être passé. Merci le chat. Merci à la prochaine. Pour si tu as la prochaine. Allez, à plus. Au revoir. Merci, à la prochaine.